Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippie-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez. Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 32 du Bras de fer des films, le podcast où les classiques affrontent les navets. Mon nom est Jean-François Tremblay et avec moi, mon fidèle partenaire Steven Lefrançois. Salut Steven. Hey, salut JF. Mon Dieu, pourquoi j'ai fait mon... Je suis trop habitué de dire hey comme Sébastien, je les mets tellement constamment à la maison qu'à un moment donné, ben, ça sort tout seul. Mais non, salut Jean-François, ça va bien. Ouais, ben, quoi neuf? Quoi de neuf? On a eu un petit peu de retard avec le show vu que nos horaires fonctionnaient peut-être pas, ou plutôt parce que tu as eu des problèmes d'internet. Ouais. Ça a dû retarder malheureusement. Mais sinon, j'ai vu plein de films intéressants pour le time out. J'ai très hâte d'en discuter. Mm-hmm. Sinon, la routine, je dirais rien de merveilleux dans nos vies. À part qu'on est allé voir Jurassic World et qu'on a donné nos opinions tous les deux. Je pensais pas que t'aimerais ça autant. J'ai vraiment été surpris. Ouais, je voulais juste préciser, c'est sur nos chaînes, notre chaîne YouTube du Bras de fer des films. Nos deux vidéos sont là. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Non, moi j'ai beaucoup aimé, puis je reste sur mon opinion. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai vu encore d'autres critiques depuis. J'ai même vu un gars sur YouTube que j'adore, qui s'appelle Le Fossoyeur de films, qui a fait son après-séance du Jurassic World. Puis tous ses arguments sont tous très intéressants et très intelligents. En même temps, je pourrais en débattre. On pourra débattre de tous ces points. Puis, puis je veux pas non plus les invalider. Je veux dire, ils amènent des points intéressants. Puis je commencerai pas à rentrer là-dedans ce soir. Mais c'est ça, moi je trouve que Jurassic World, c'est un très très bon divertissement. Puis ceux qui sont pas contents, ben tant pis. Mais c'est pas non plus un film qui réinvente la roue ou quoi que ce soit. C'est juste un film de dinosaures qui attaquent des gens. Puis moi, j'ai eu du fun pendant 2 heures. Fait que c'est ça. Le contrat principal, il est là, c'est un blockbuster, on est venu pour s'amuser, on voulait voir des dinosaures, puis on en a. Fait que, tu sais, oui, c'est pas parfait comme film, puis ça a son lourd de défauts, mais ça gâche en rien le plaisir que j'ai eu, moi, en tout cas, pendant les 2 heures que j'étais dans une salle. Puis, tu sais, si je m'emmerde pas pendant 2 heures, ben, je me dis que le réalisateur réussit son contrat blockbuster, parce qu'on va là pour se faire divertir. Ben, c'est ça. Puis, non, tu sais, je suis rentré dans la salle, c'était bourré de monde. J'ai été obligé de m'asseoir genre à la 3e rangée à partir de l'écran, tu sais. Fait que j'étais vraiment, vraiment... J'avais le nez collé sur l'écran. Pauvre toi. Puis, au début, avant que ça commence, j'étais sûr que ça allait me déranger. On voyait les bandes-annonces des films, puis j'étais comme... Tu sais, j'étais sûr que j'aurais de la misère à suivre l'action. Mais une fois que le film était commencé, là, j'ai complètement oublié où ce que j'étais assis. J'ai oublié que j'étais dans une salle entourée de monde. J'étais là, j'étais dans le parc, j'avais du fun, puis j'ai jamais décroché. Puis... ben, si ça vous tente d'avoir une autre opinion aussi, il y a notre ami Sébastien d'Horreur Gamer qui a sa chaîne à lui, de Fun Regard des Films, que vous connaissez sûrement, fait qu'il en a parlé aussi sur sa chaîne. Puis, ben, c'est ça. Un vrai fan de dinosaures. Ouais, moi aussi, je suis un fan, mais lui, là, une coche au-dessus. Plusieurs coches au-dessus, même. Fait que non, c'est ça, il y a plein d'opinions différentes. Puis c'est bien correct, tu sais, c'est sur un film, c'est ça aussi qu'on fait dans notre podcast, puis on donne des opinions, puis... C'est bien correct, tu sais. Je pense qu'il n'y a aucune personne qui a forcément raison ou tort. On a juste chacun des goûts, puis on a une personnalité bien distincte. Fait on a toutes nos propres raisons de l'apprécier. Puis tu donnais des raisons pour lesquelles tu étais apprécié que c'était pas forcément les miennes, puis je trouvais ça intéressant les points que tu amenais. Fait que ça sert à ça. Si on aurait toutes la même opinion, maudit que les podcasts seraient plates. Tu sais, je veux dire, des fois, on faisait un show sur Horror Gamer, puis dès qu'on avait toute la même opinion sur le film, c'était comme, ouais, ça manquait de quoi, mais il semble que c'est juste trop, c'est la même ligne, trop straight. J'aime ça là, qu'il y en a un qui arrive, puis c'est comme le mouton noir. C'est comme, c'était de la crise de merde, puis voilà pourquoi, puis, tu sais, pas le fun de démolir le film, mais non, c'est le fun de s'obstiner. Oui, c'est ça, c'est le fun de s'obstiner, là, puis Pierre. C'est un roi là-dedans, on s'ostine tellement, moi, puis lui, là, ça me manque. Ben, parlant de s'obstiner, j'ai aucune idée si on va le faire ce soir, mais on va voir. À ce soir, on parle de deux films qui nous montrent les dessous de la télé de manière très différente. On a déjà fait un film sur un épisode sur les dessous de la télé l'année passée avec Network puis Shock Treatment. Ouais. Aujourd'hui, on traite des films Quiz Show de 1994 et Stay Tuned de 1992. Alors, es-tu prêt à commencer le match de bras de fer? Oh ouais! Quiz Show est un film de 1994 réalisé par Robert Redford et écrit par Paul Anastasio, basé sur un roman de Richard N. Goodwin. Ça met en vedette Ralph Fiennes dans le rôle de Charles Van Doren, John Turturro dans le rôle de Herbie Stemple et Rob Morrow dans le rôle de Dick Goodwin. On retrouve aussi plusieurs acteurs connus comme David Paymer, Hank Azaria, Christopher McDonald, Mira Sorvino et même Martin Scorsese dans un rôle de sponsor. Et donc, ça se passe dans le milieu de la télé, dans les années 50, et je dois mettre l'emphase sur le fait que c'est une histoire vraie. Ça se passe dans le milieu des quiz télévisés, un peu comme Jeopardy, tout ça. En fait, l'ancêtre de Jeopardy, de Price is Right, tout ça, un show qui s'appelait 21 dans les années 50. Il y a eu un gros scandale parce qu'on a découvert à un moment donné que c'était truqué. Ça a été exposé par un gars qui s'appelle, comme je disais tantôt, Dick Goodwin, joué par Rob Morrow. Dick Goodwin est un jeune avocat, tout ça, qui rentre en contact avec Herbie Stemple, qui était un participant à l'émission 21, qui est un participant à qui on a demandé de perdre volontairement pour laisser la place à un autre participant que les sponsors aimaient plus son look, Charles Van Doren, joué par Ralph Fiennes. Et c'est ça, Herbie Stemple est joué par John Turturro, qui est un juif pas très beau de Queens et tout ça. Et donc, Ralph Fiennes joue le jeune homme riche, Charles Van Doren, qui va prendre sa place et qui va devenir la nouvelle vedette du quiz show. Et Herbie Stemple va tomber dans l'oubli et ça va le faire chier. Donc, il va contacter l'avocat et les deux ensemble vont essayer de faire tomber les gens derrière le quiz show, le show en fait. Et ça va créer un gros scandale. Et tout ça, comme j'ai dit, c'est une histoire vraie. Donc, on écoute un petit extrait du film et on revient tout de suite avec notre discussion à son sujet. Dis donc, j'ai pris 5 minutes pour regarder les taux aujourd'hui. Le taux d'audience, vous êtes au courant? Oui. C'est incroyable, mais vous plafonnez. Plafonnez? Mais comment vous l'entendez? Quoi, plafonnez? Plafonnez? Plafonnez, ça veut dire que vous... Vous voulez dire que les téléspectateurs m'aiment plus? Non, pas du tout. Non, c'est pas une question de personne. Je devrais me faire refaire les dents, peut-être. Ah non, c'est dans la nature de l'émission. Ils vous ont déjà vu gagner, ils veulent du nouveau, c'est tout. Alors vous croyez qu'ils veulent me voir perdre? C'est un peu normal, non? Joe Louis est resté le champion pendant 12 ans. Personne n'a jamais souhaité que Joe Louis perde. Pensez à la cause de l'éducation. La cause de l'éducation. J'ai dû attendre 30 ans pour vivre ça. Et il faudrait que je me couche pour la cause de l'éducation. Je n'ai pas dit ça en ces termes. Je vous demande simplement de coopérer. D'accord. Alors laissez-moi perdre à la régulière. Herbie, parlez moins fort. Dites un chiffre au hasard. Dites un chiffre. Allez, n'hésitez pas. S'il vous plaît, dites un chiffre au hasard, n'importe lequel. Eh ben, 23. Beethoven avait 23 ans quand il composa sa première sonate. En 1923, Jacques Bentley réalisa 427 frappes dans le champ réglementaire, record absolu au baseball. L'œuf humain est porteur de 23 chromosomes, comme le spermatozoïde. 23e président Benjamin Harrison. En Asie, le long du 23e parallèle, les pays situés dans... Arrêtez de monter le bourrichon. Vous auriez pas su comment s'appelait ce cheval, même s'il chiait sur votre pelouse. Elle. Quoi? C'était une jument, vous vous rappelez? Bon, écoutez, vous perdez quand je vous le dis. Mais pourquoi aujourd'hui? Ce sont nos arrangements, c'était convenu comme ça depuis le début. Mais si vous me l'aviez demandé avant, si vous m'aviez demandé de perdre au départ, là, d'accord, j'aurais compris, ça n'aurait rien changé à mes habitudes, mais pourquoi là, tout d'un coup? Essayez de prendre un peu de recul. La télé ne risque en aucun cas de disparaître, d'accord? Pensez à l'avenir. Une nouvelle émission? Garçon d'addition, je verrai ce que je peux faire. Mais en attendant, peut-être que ça vous aiderait de parler à quelqu'un. Je vais vous donner le numéro de mon analyste. Envoyez-moi ses notes. Je serai épatant comme animateur dans une émission culturelle spirituelle. Plein de réparties comme Bill Cullen dans Le Juste Prix. Notre dernière question portera sur le cinéma. On vous demandera qui a remporté l'Oscar du meilleur film en 1955. Vous hésiterez et vous répondrez sur les quais. Oh non. Non, non, non, ne me faites pas ça, non, pas Marty. Je l'ai vu au moins 3 fois. C'est le meilleur film que j'ai vu depuis 2 ans et c'est là-dessus que je perdrai. Justement, quelqu'un de votre érudition qui perd sur une question aussi simple qu'un spectacle. Quel spectacle ? Herb, soyez raisonnable. Faites-moi perdre sur une question de physique, mais pas sur Marty. Vous pouvez pas me faire ça, c'est trop humiliant. Pour 70 000 $, vous encaisserez bien l'humiliation. Donc, Steven, est-ce que c'est moi qui ai proposé Quiz Show, puis tu sais, on peut débattre du fait que c'est un classique ou pas, parce que, ben tu sais, dans le fond, dans l'épisode précédent qu'on a fait, c'est Days of... t'avais choisi Days of Thunder, puis il y a beaucoup, ben, beaucoup de gens, nos amis d'Horror Gamer, Steve, Vicky, puis Sébastien, étaient pas trop sûrs que c'était vraiment un classique quand on les a mentionnés qu'on faisait ça. Mais tu sais, ton Days of Thunder, il y a genre 30 ou 40 ou pas plus que 50% sur Rotten Tomatoes. Ça fait longtemps que j'ai pas vérifié, ça fait quelques semaines. Puis tu sais, je pense que Quiz Show, il y a genre 96% ou quelque chose comme ça. Là, fait que je me disais, OK, tu sais, je pense que c'est relativement justifié dans le style classique. Puis je sais que tu sais, les gars comme Roger Ebert, que je mentionne souvent parce que je l'aime beaucoup, ben je l'aimais beaucoup, puis beaucoup de critiques de l'époque ont vraiment adoré le film, puis je pense qu'il y a eu des nominations puis tout, mais il a été nominé pour 4 Oscars, tu sais, ouais, c'est ça, j'ai pas les détails devant moi, mais merci de le préciser. Puis mais le film, curieusement, est comme tombé dans l'oubli dans les 21 dernières années. Il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent plus ou qui savent même pas que ça existait, puis ça, on va revenir là-dessus. J'ai lu un peu sur IMDb juste des théories de gens là, tu sais, mais c'est ça, c'était tombé dans l'oubli. Toi, tu n'avais-tu déjà entendu parler? Non. Aucunement. Puis j'apprécie Robert Redford, mais je pense que j'ai jamais porté vraiment autant attention à sa carrière de réalisateur ou même d'acteur. J'ai vu quand même plusieurs de ses gros films, mais je sais pas, ça m'étonne que je n'ai vraiment pas entendu parler de celui-là parce que c'est quand même un film qui a été bien populaire. Puis Chantal, elle s'en remplait quand même assez bien du film. Fait que... Moi, c'est le film qui m'a fait connaître John Turturro, vraiment. Là. Il y a eu Barton Fink dans les mêmes années, mais j'ai pas trippé sur Barton Fink à l'époque. Faudrait que je le revoie, puis ça serait peut-être intéressant un jour de le revoir pour le podcast, là, mais des frères Cohen. Mais tu sais, c'est surtout pour Quiz Show que je me rappelais beaucoup de lui en premier. Je pense que c'est un des premiers films qui me l'a fait connaître. Après ça, je l'ai vu dans d'autres choses. Là, mais... Honnêtement, j'ai jamais eu une grosse estime pour John Turturro parce que je l'ai connu par Monsieur Deed. Puis pour ma part, je pensais que c'était juste un genre de bouffon de la comédie, puis que c'était pas vraiment quelqu'un qui avait de véritable talent d'acteur. Je pensais pas qu'il avait une aussi grosse carrière, puis à force de fouiller un peu plus profondément, je me suis rendu compte que ce n'est pas juste la bitch Adam Sandler. Il est dans de plusieurs films des frères Cohen, justement, dans les... Ouais, non, c'est ça. Voyons, je cherche le Big Lebowski, puis... Oh Brother, Way Out Tower, puis tous ces films-là, puis Do the Right Thing que j'ai vu il y a quelques semaines, que j'ai adoré son rôle là-dedans, il est super le fun. Puis j'ai écouté un film sur Netflix il n'y a pas longtemps qui s'appelle Fading Gigolo, j'en reparlerai peut-être, mais avec lui puis Woody Allen, puis j'ai adoré ce film-là, c'est John Turturro qui réalise. Puis, oui, j'ai vu Trader, oui, je me rappelle. Ça avait l'air intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Non, moi, c'est un acteur au contraire que moi, c'est ça, j'aimais beaucoup, puis. Mais je me rappelais, j'avais une forte, forte impression de ce film-là, sauf que je pensais qu'on le voyait plus, puis que j'avais dans la tête que c'était lui le personnage principal, alors que c'est le personnage de Dick Goodwin, joué par Rob Morrow, le personnage principal, puis je connais pas Rob Morrow, je me rends compte que j'étais comme, c'est qui lui? Le début du film, tu laisses croire que John Turturro, c'est vraiment l'acteur principal, puis tu vas le suivre tout le long, qu'un coup qu'il va se faire enlever du show, bon, on va juste tout le temps suivre lui, mais à un moment donné, on finit par le perdre en cours de route, puis il va revenir dans l'histoire plus loin, mais sur un film de 2 heures, je pense qu'il est quand même là, quoi, une demi-heure en tout? Ouais, peut-être une... Ben, j'ai envie de dire pas loin de... Ouais. 45 minutes peut-être? Ouais, peut-être plus 45 minutes. Un peu, là, ouais. Ouais. Il est important, pareil. C'est lui qui est comme crédité en premier aussi dans le film. Là. Mm-hmm. Mais j'avoue que c'est ça, c'est Rob Morrow le personnage principal. Puis Ralph Fiennes prend beaucoup, beaucoup de place aussi. Une fois qu'il rentre dans l'histoire, il est là souvent. Là. Oui. Mais on a aussi les deux personnages qui sont les deux voyons, les deux producteurs de la du show télévisé. Deux gars nommés Dannon Wright puis Albert Friedman, qui sont joués par David Paymer puis Hank Azaria, que j'haïs pas comme personnage, le duo. Ils sont un peu clowns parfois, mais en même temps, sont vraiment écœurants, la manière qu'ils traitent Herbie, John Turturro, tu sais. Oui. Puis c'est ça... Non, c'est ça, je voulais juste dire, c'est deux acteurs que j'aime bien, là, puis j'aime bien leur dynamique là-dedans, dans ce film-là. C'est drôle, parce que il y a tout le temps je veux pas forcément dire de l'humour, mais à chaque fois qu'ils sont là, t'as comme un petit sourire, puis sont, comme tu dis, ils sont le fun. Puis j'ai l'impression que c'est parmi les personnages qui sont compris dans ce genre de fraude-là, qui sont le moins crosseurs, si on veut, ou moins suceurs de sang, si on peut utiliser ce genre de terme-là. Je trouve qu'ils ont quand même une raison plus ou moins valable de vouloir faire ça sans que ça soit malhonnête. Oui, ben ils agissent croche, mais en même temps, dans leur tête, eux autres, c'est pour le show business, c'est pour le spectacle, dans le fond. T'sais, c'est le spectateur avant tout, puis il faut y donner du spectacle, puis peu importe les conséquences. Là. Ça commence avec ça, le film commence... je pense qu'il en parle plusieurs fois dans le film de que c'est juste du show business, puis ça finit avec cette phrase-là aussi, le film, c'est juste du show business, puis il faut que ça roule, il faut que ça marche, puis il faut que ça soit divertissant, tu sais. C'est pas compliqué, c'est comme la lutte. Ouais. C'est arrangé, puis c'est là pour faire donner un show, tu sais, c'est là excellent pour divertir. Excellent parallèle. J'avais pas fait le parallèle, mais excellent parallèle, t'as raison. Moi, c'est à ça que ça me faisait beaucoup penser, puis la manière que c'est traité dans le film, ça me rappelait beaucoup cet univers-là un peu, puis... T'sais, comme tu dis, cette phrase-là revient souvent dans le film, puis c'est juste, c'est pas surprenant, tu sais, je veux dire, cette histoire-là se base dans les années 50, on est rendu en 2015, on s'entend-tu que le show business a aucunement évolué au champ? Ben, tu regardes, c'est ça, exactement, tu regardes un show comme The Voice, puis La Voix, tu sais, puis c'est pas tellement la... Parce que je vais parler de la version américaine, parce que j'écoute pas d'autres versions, j'écoute pas la version québécoise, mais la version américaine, c'est beaucoup plus focusé sur les quatre juges, Christina Aguilera et toutes les autres, que sur les participants. Les participants, ils font pas de carrière. Puis j'ai vu un article il y a pas longtemps qui revenait sur tous les gagnants, puis les gagnants, ils ont pas de carrière pendant tout. C'est beaucoup plus focusé sur les artistes invités et sur les quatre juges. Puis c'est con, ça n'a même pas une importance, je dirais, de gagner à ce genre de mission-là. Tu regardes même les Star Academy, je me rappelle dans le temps, le premier Star Academy, tu avais Wilfred de Boutillier qui avait gagné, c'était lui, oui, le grand gagnant, puis Marimé avait été éliminé, puis tu regardes aujourd'hui, excuse-moi, mais Marimé a une bien plus grosse carrière que Wilfred de Boutillier. Ben oui, c'est ça, c'est celle qui en est sortie le mieux, tu sais. Fait que tu sais, t'as pas besoin de gagner pour avoir du succès ou pour réussir dans le show business. Là, non, c'est ça. Puis tu sais, on dit pas que c'est arrangé ces choses-là, c'est juste que... C'est du spectacle. C'est le spectacle avant tout, puis c'est pas vraiment le fait de gagner ou de perdre qui est important tant que ça, tu sais. Je pense pas que ça soit tout arrangé comme quiz show à ce point-là, que les participants des émissions de questions qui ont des réponses d'avance, ces choses-là. Mais je considère pareil qu'il y a tout le temps un genre de plan de match dans tout leur truc, puis que c'est quand même un peu checké d'avance, là. Oui. Mais sinon, quiz show. Oui, mais c'est ça. Dans le fond, juste ce que je voulais dire aussi, je ne rentrerai pas dans les gros trivia parce que j'en ai pas tant que ça. Je voulais juste dire que 21, le show télévisé donc qui est question dans le film, et justement le personnage de pas le personnage, mais le vrai Dannon Wright, il a dit un moment donné en entrevue, puis on peut trouver ça sur Wikipédia, il a dit que le premier épisode de 21 était plate à mort. Il dit les deux participants n'ont pas réussi à répondre à la plupart des questions. fait que ça a donné un très très mauvais show. Il dit c'est à partir de là qu'à partir du deuxième épisode qu'ils ont arrangé un peu la patente pour que les participants pour qu'ils donnent un meilleur show, tu sais, pour qu'il y ait un petit peu de ça, avec plus de panache un peu, tu sais. Ben c'est surtout le fait que le public, il voit un homme comme le personnage de John Turturro, qui est un gars, comme tu dis, il est pas très beau, c'est un gars vraiment ordinaire, que le public arrive à s'identifier, puis qu'il voit évoluer là-dedans, puis réussir, puis à devenir une genre de vedette juste parce qu'il passe à la télévision. T'sais, tout le monde est content de le voir. Il fait juste retourner à sa maison après le show, puis tout le monde à travers la fenêtre, « Hey, salut, ça va? » Puis tout le monde sont super contents de le voir, puis ils souhaitent juste qu'il gagne. Là, pis... C'est un gars du peuple, hein? C'est... Exactement, le gars du peuple, qui les gens s'identifient à lui facilement. Puis c'est ça, juste pour mentionner aussi pour ceux qui ne l'ont pas vu le film, ça fait plusieurs semaines qu'il est là, ça fait 7 ou 8 semaines qu'il gagne. Puis c'est ça, c'est à ce moment-là qu'on lui demande de se coucher, dans le fond, un peu comme quand on demande à un boxeur ou à n'importe qui de se coucher au tapis puis de perdre. Il a fait son temps. Il a fait son temps. Puis l'affaire qui est très choquante pour lui, puis ça, je m'en rappelais aussi, c'est un détail qui m'avait beaucoup marqué dans le film, c'est qu'on lui demande de répondre, de donner une mauvaise réponse à une question qui, dans le fond, lui tenait très à cœur, mais dont il connaissait très, très bien la réponse, puis que tout le monde sait dans son entourage qu'il connaît très bien la réponse. On lui demande quel est le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film en 1955. Puis la réponse, ben, c'est Marty. Puis lui, ben, c'est genre un de ses films préférés. Il est allé le voir 3 ou 4 fois au cinéma. Puis c'est à cette question-là qu'on lui demande de donner une mauvaise réponse. Puis c'est ça qui l'a le plus choqué, parce que ça le ridiculise aux yeux des gens qui le connaissent et aux yeux de la nation au complet. Parce que la plupart des gens, et on le voit dans le film, les gens qui regardent le show live à TV, ils savent toute la réponse. Ça fait juste 3 ans, 55. Ça fait juste 3 ou 4, 2, 3 ans, 55. Les gens savent tout. C'est comme si on demandait qui a gagné l'Oscar du meilleur film il y a 2 ans. C'était genre... mon exemple est très mauvais parce que c'est vraiment je sais même pas. Su... non. 2013, t'as vu, c'était quoi? Mon Dieu, même moi, je pense... Je retiens pas tout ça par cœur pour les impressions que j'ai plus autant d'importance pour les Oscars. Okay, bon, on participe à un quiz. Hey, c'était vraiment mauvais mon exemple. mais non, mais c'est ça. Mais dans ce cas-là, tout le monde le savait, tu sais, ou presque. Puis surtout lui, c'est ça qui l'a choqué le plus. Puis ça l'a humilié, tu sais, c'était très humiliant. Puis ce que Dick Goodwin, le personnage, va trouver plus tard dans le film, au cours de son enquête, c'est un autre participant précédent. De l'émission, qui lui aussi, on lui a demandé de donner une mauvaise réponse aussi à une question qu'il connaissait très bien, puis que les gens autour de lui savaient qu'il connaissait très bien. On dirait que c'était leur technique à eux pour les humilier encore plus, ou c'était vraiment méchant là, comme technique. En même temps, c'est louche, tu sais, je veux dire, la plupart des gens comprennent même pas qu'ils réussissent pas cette question-là, puis t'as même ceux qui sont sur le plateau de tournage de l'émission qui sont comme « C'est Marty, comment il a fait pour pas savoir ça? » C'est tellement une question facile. Tu peux mettre ça sur le compte de la nervosité, parce que tu vois qu'ils sont ben dans le fond, sur le plateau de tournage de 21, les deux participants sont dans des genres de cages ou genre de cabines, en fait, je devrais dire, des cabines insonorisées, puis où l'air est contrôlé, l'entrée d'air est contrôlée. Fait que, tu sais, des fois, ils vont juste fermer l'air climatisé, puis ils vont avoir encore plus chaud, tu sais. Juste pour essayer de mettre une tension pour eux, là, vu qu'ils savent déjà la réponse. Des fois, c'est pas évident. Fait qu'ils vont juste faire ça pour donner un effet. Là. C'est dans le titre du film. Tout est un show. C'est un quiz show. C'est un show. T'sais. C'est vraiment pour donner une meilleure show télévisée. Puis, mais tu sais, là, dans le fond, qu'est-ce que t'as pensé de la réalisation, du style de film? T'sais, c'est une enquête un peu traditionnelle avec le procès à la fin et tout, mais qu'est-ce que t'en as pensé en gros? Je te dirais, en gros, c'est un film traditionnel, mais que j'ai été imprimé dedans dès le début. J'ai adoré les personnages. J'aimais beaucoup l'histoire, je la trouvais intéressante. Même chose pour la réalisation de Robert Redford. C'est une réalisation classique, mais super maîtrisée. Dès l'intro, où tu vois le personnage qui va s'acheter une nouvelle voiture. Je trouvais que c'était super bien réalisé. Ça mettait déjà une bonne ambiance parce qu'on se trouve quand même dans les années 50. Fait que je trouve que c'est quand même important d'apporter une certaine ambiance dans la réalisation. C'est ça, moi, je vais dire. Je comprends un peu que le film soit oublié, si on veut, plus ou moins, en fait, parce que je crois pas qu'il mérite d'être dans l'oubli, mais je comprends que ça n'ait pas un statut de gros classique en tant que tel, parce que même si au bout du compte, je vais pas avoir grand-chose à reprocher à The Quiz Show en tant que défaut, j'ai l'impression qu'il manque de quoi au film pour que ça soit un grand film, au oui. point que ça devienne un classique. Là, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un excellent film que j'ai beaucoup apprécié, mais quand j'ai fini le film, une ou deux journées par la suite, j'ai déjà pratiquement commencé à l'oublier. Puis à partir de là, je me suis comme dit, OK, non, je comprends peut-être un peu pourquoi le film m'a sauvé dans l'oubli, parce qu'il manque de quoi pour que ça tresse en tête. J'ai juste l'impression que le film va... Comme je dis, j'ai pas vraiment de défaut à dire, c'est ça qui est un petit peu bloquant, mais j'ai juste l'impression vraiment qu'il manque un quelque chose au film pour que ça l'élève un peu. Parce que, comme tu dis, c'est un petit peu traditionnel, l'enquête. Il n'y a rien de forcément surprenant. On sait un peu aussi que ça va s'en aller. Je me doutais un peu de comment ça allait finir. Fait que... C'est un film un peu modelé. Ben, tu sais, un film qui aurait pu sortir dans les années 80 aussi, dans son style, tout. Tu sais, c'est très, comme on dit, classique, traditionnel. Puis, tu sais, rendu en 94, là, t'as des gros films comme... comme les, voyons, Pulp Fiction, qui viennent révolutionner tout. T'as À l'ombre de Shawshank, t'as des films plus indépendants comme Clerks, comme El Mariachi. Ouais. Toute une diversité de films qui viennent un peu ébranler le cinéma. 94 a été une année extrêmement importante dans le cinéma. Quand tu regardes les films américains, puis un petit peu de partout ailleurs qui sont sortis en 94, il y en a une méchante gang, puis ils ont vraiment, ça a comme refaçonné un peu le cinéma américain. Lui, il s'inscrit vraiment dans le passé, dans le style vieillot un peu. Mais comme tu dis, il n'y a pas vraiment de défaut. Au niveau des acteurs, moi j'adore John Turturro là-dedans, j'adore Ralph Fiennes qui fait un excellent Charles bon Van Doren. Sauf que je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont pris Ralph Fiennes, parce qu'il a comme un accent britannique, je pense qu'il est britannique, il y a Ralph Fiennes, et son personnage est totalement américain. Moi j'ai senti un peu son accent anglais là, dans le film. Oui, c'est vrai. Puis tu peux aller voir des épisodes du quiz en question sur YouTube, tu peux regarder le match contre Charles Van Doren et Herbie Stemple. L'épisode est sur YouTube au complet. Puis, quand tu écoutes parler Charles Van Doren, il n'y a pas d'accent british. Il n'y a pas l'accent de Ralph Fiennes. Ça me gosse un peu. Mais c'est ça. Mais l'autre aussi, Rob Morrow, que je connais pas. Excellent, ce gars-là. Je vais essayer de fouiller un peu qu'est-ce qu'il a fait d'autre, parce que il est vraiment très bon. Puis, je sais qu'en ayant lu un peu, il a modelé aussi son jeu, son accent un peu bostonien, un peu bizarre... sur le vrai accent du vrai personnage qu'il joue, puis tout, puis... Mais il se donne vraiment à fond là-dedans, puis j'adore comment est-ce qu'il est intelligent. C'est un genre de Columbo. Si vous aimez Columbo, là, ce film-là, là, il m'a donné le même genre de jouissance qu'un Columbo, parce que il arrête pas de l'affaire, c'est qu'il est super intelligent, le gars. Il a à dealer avec deux gars qui sont vraiment très brillants, qui ont participé à ce quiz-là, mais... parce qu'ils sont vraiment très, très brillants, donc John Turturro puis Ralph Fiennes, mais il est au même niveau qu'eux autres intellectuellement, puis peut-être même encore plus, puis des fois, ça, il laisse transparaître ça, puis c'est comme... C'est tout le temps jouissif, là, puis il y a un moment où il va pogner le personnage joué par David Paymer, le personnage de Dan Enright, qui est comme le boss du show, comme le producteur du show, puis il y a un moment qu'il réussit à le pincer là, pour une question de lettres enregistrées qui contient des réponses. Il y a une preuve là, qui est irréfutable que le show a été truqué. Puis ce moment-là, je l'ai tellement trouvé trippant. Là. J'étais sur mon divan, puis j'étais comme une petite fille quasiment. Là, j'étais comme, c'est cool. Puis l'autre, la face de David Paymer qui fait, fuck, je suis pogné. Là, puis, j'ai tellement aimé cette scène-là. Là. Il dit, je peux-tu t'offrir une place sur un no-show, quelque chose comme ça? Il essaie de l'acheter, là, puis l'autre, il a son petit sourire, sa petite face, là, tu sais, puis c'est comme, je t'ai eu, mon esti. C'est drôle que t'aies mentionné Columbo, parce que j'ai pensé un peu à la même affaire en voyant le film. Je trouve ce personnage-là vraiment le fun, puis comme tu dis, il est super intelligent, mais au début, il laisse pas trop transparaître, mais au fur et à mesure qu'il s'intègre, qu'il va dans les réunions, puis il y a des discussions, il lâche tout le temps des petites craques ou des petites choses sournoises. Puis à un moment donné, même que je pense que c'est un souper au restaurant avec Ralph Fiennes où qu'il va s'amuser à lui poser des questions, puis il va pratiquement toutes les répondre correctement. Là, oui. Puis tu vois que le gars est cultivé, là, puis qu'il connaît son affaire, fait que... Puis il est pas pris au sérieux au début parce que c'est un petit nouveau qui commence, c'est son premier cas, tu sais. Lui, il cherche de quoi qui est plus substantiel que tous les cas qui lui sont donnés avant, mais tu sais, c'est comme c'est son premier vrai gros cas. T'sais. C'est lui qui l'a trouvé dans le journal, il a vu une petite annonce, il a vu un petit fait divers dans le journal, puis c'est comme ça l'a intéressé, puis il avait décidé de fouiller, tu sais. Et ça, l'acting est vraiment très bon dans le film. J'aime beaucoup aussi celui qui fait l'animateur de 21, c'est Christopher McDonald qu'on a vu dans j'adore cet acteur. Dans Breaking, puis dans plein d'autres films, tu sais. Puis quand tu regardes l'épisode de 21 sur YouTube, tu te rends compte que l'animateur, puis lui, ça ressemble énormément. Il a vraiment réussi à l'imiter. Puis pas juste, tu sais, c'est les mimiques, puis tout. C'est vraiment... Il y a vraiment un gros travail au niveau de l'acting. Je veux revenir aussi sur John Turturro puis Ralph Fiennes. Puis quand tu regardes le show... de 21 sur YouTube, tu regardes les mimiques qu'ils font, les faces qu'ils font, les poses qu'ils prennent dans leur dialogue, les deux participants, puis c'est pareil que les scènes qu'on voit dans le film, dans le quiz show. C'est, C'est pas... J'ai pas vu l'émission, l'épisode que tu parles, mais ça, je vais aller voir par la suite pour le fun. C'est pas une reconstitution exactement fidèle, parce que quand tu regardes le show sur YouTube, tu te rends compte que la question sur Marty n'est pas arrivée à la toute fin, puis c'est pas à cause de cette question-là nécessairement que l'autre gagne le match à la toute fin. C'est les règles du show sont un petit peu compliquées, fait qu'il a fallu qu'ils simplifient ça pour le film. Okay. Ils ont mis ça plus spectaculaire dans le film un peu. Dans le show, c'est genre, c'est une manche, genre au milieu de l'épisode, où ce il a répondu cette question-là, il a répondu avec une fausse réponse, une mauvaise réponse, puis ben, il a perdu cette manche-là. Puis cette manche-là lui a fait coûter le match au complet, lui a coûté le match au complet. Mais c'était pas la manche finale, c'était pas la dernière question du show. Là, mais ça arrive souvent avec les films qui traitent de sujets réels ou de faits vécus. Ils vont prendre la base, mais en même temps, veux pas, ça rend... S'il ferait un film qui respecterait 100% les faits vécus, des fois, ça ferait pas un film aussi exaltant ou alors, ça serait sur le bout de ton siège. Fait que dans le fond, tu sais, veux pas, ils vont prendre des bouts de vrai puis instaurer un peu des rajouts fictifs pour juste que le film soit un peu plus divertissant parce que le cinéma, c'est du show business. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu viens de le dire, puis tantôt, je voulais justement mentionner avant de l'oublier que. Ben, c'est en fond, c'est M. Bougalou dans The Apple qui a raison. Hein. Life is nothing but show business. Ouais, exactement. Puis, c'est ça. Faut encore tu plugues The Apple, hein. Tu peux pas t'en empêcher. M. Bougalou, il sait tout, il savait tout. Il savait que c'est ça, le monde aime le spectacle. Tu vois, The Apple, c'est un film visionnaire. Oui. Puis, ben... avant que j'oublie aussi, pendant que j'y pense, on est dans les acteurs. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a deux apparitions dans le film, très très brèves, de deux acteurs. Ben, tiens, tu en as peut-être vu d'autres, là, mais il y a deux acteurs que moi j'ai remarqué que je me souvenais pas qu'ils apparaissaient dans ce film-là. Un acteur puis une actrice qui aujourd'hui sont très connus, mais à l'époque n'étaient pas connus. Ça te dit-tu quelque chose? Il y a un acteur qu'on veut passer deux secondes, je crois. Okay. Au collège ou quelque chose de mal. Oui, attends une minute, ça s'en vient. C'est. le pire, j'ai tout de suite remarqué son visage, mais. j'ai un blanc, là, mais. C'est Ethan Hawke. C'est ça, Ethan Hawke. Mais c'est la même année que Before Sunrise, puis je trouve ça bizarre. Puis tu sais, il avait déjà fait, si je me trompe pas, la Société des Poètes Disparus, fait que c'était quand même quelqu'un de connu. Mm-hmm. Ça me surprend, c'est peut-être un ami à Robert Redford. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il fait juste apparaître vraiment là, genre 10 secondes dans le film ou quelque chose. Il faut vraiment que tu portes attention là, parce qu'il passe en même temps que trois autres personnes. Fait il y a même pas, c'est même pas un plan fixe sur le visage d'Ethan Hawke. Là, il fait juste passer. Puis... C'est ça, ça pourrait être n'importe qui. La caméra est même pas focusée sur lui, rien. Là, t'sais. Puis l'autre personne, en fait. Ben, juste pour ceux qui n'ont pas vu le film, Charles Van Doren, dans le fond, le personnage joué par Ralph Fiennes, il devient hyper populaire quand il passe à l'émission, mais encore plus populaire que John Turturro parce qu'il est beau, parce que les filles l'adorent, parce que c'est un blanc, parce qu'il est blond, parce qu'il est riche, tout ça, fait que c'est un fils de riche. Il vient d'une grande famille qui est très appréciée aux États-Unis. Fait que ça, puis lui, c'est un prof au collège, comme son père, tout ça. Puis... il y a des hordes de fans, des femmes qui viennent le voir, des jeunes filles, des jeunes étudiantes qui viennent le voir, puis tout. Puis à un moment donné, il y a une scène où il est avec Rob Morrow dans son bureau, puis ils sont en train de jaser, puis il y a deux ou trois filles qui rentrent dans le bureau. Puis parmi ces deux filles-là, la fille principale, on voit Calista Flockhart, qui jouait Ally McBeal quelques années plus tard. Puis ben c'est ça, à cette époque-là, elle n'était pas encore connue, puis qui allait devenir éventuellement Madame Harrison Ford, et qu'on a vu plusieurs fois après ça. Vous savez c'est qui, là. Mais oui. C'est ça. Ça m'a juste... C'est ça. C'est une petite apparition de rien d'une actrice qui n'était pas encore connue. C'est parce qu'en même temps, tu sais, veux pas, une critique envers le show business, quiz show, c'est pas le premier à le faire, veux pas. Non. Puis c'est juste que, je te dirais, c'est léger dans le sens que je trouve pas que ça a pas de l'impact, mettons, d'un network, là. T'sais, tu finis network, puis à la fin, t'as la bouche grande ouverte. Tandis que là, c'est comme... C'est plus américain, ça fait plus Oscar, c'est plus, comment je pourrais dire, c'est plus lisse, c'est plus doux. En même temps, ça rapporte des faits, puis ça peut pas non plus toutes les réinventer, tu sais. Non, ben c'est ça, tu sais, mais il semble que normalement, dans ce genre d'enquête-là, quelqu'un qui se rapproche du but, de la vérité, puis a réussi à faire tomber quelque chose de même, ben pourrait, dans un autre film... se faire poursuivre par un tueur ou quelqu'un essaierait de négliger ou de le faire chanter ou des menaces de mort. T'sais. Le film va jamais vraiment loin là-dedans. T'sais. Attendez-vous pas à ce que ça soit un gros suspense, l'enquête. C'est vraiment une enquête bien normale. Oh, et puis y a pas de avec Jim Godwin, il n'y a pas de scène d'action, il n'y a pas de vraiment de suspense à part dans les peut-être les émissions du quiz à savoir s'il va oui ou non dire la bonne réponse, mais je veux dire à part de ça, c'est pas mal tout. On suit vraiment juste une enquête bien classée. Ça. Moi, je trouve ça intéressant d'un point de vue historique, pour t'apprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis je l'ai écouté avec ma blonde, puis c'est la première fois qu'elle le voyait, puis ma blonde est historienne, puis elle a adoré ce film-là, puis elle est très curieuse parce que de voir un documentaire. Il existe un documentaire qui a été fait en 91, qui est passé à PBS. Ça a été un peu le point de départ du film. C'est les mêmes producteurs, la même compagnie qui a fait ce documentaire-là qui a produit le film après ça de Robert Redford. Fait que, puis dans le documentaire, apparemment, qu'on voit justement tous les participants, Herbie Stemple, toute la gang être interviewée puis raconter leur histoire. T'sais. Fait que ça m'intéresse. Puis c'est ça, d'un point de vue historique, je trouve que le film est très intéressant, mais comme tu dis, c'est pas un film où ça bouge, ou c'est pas un film visuellement emballant. C'est un film intellectuel où ce qu'il faut que tu écoutes, faut que tu sois attentif, puis tout. Mm-hmm. C'est un film où ça jase beaucoup. Mais je trouve que c'est ça, tu sais. Je trouve que dans le genre, c'est très, très bien fait. C'est plusieurs coches au-dessus d'un téléfilm, mais c'est sûr que ça bouge pas comme on voudrait peut-être d'un film. En tout cas, ça dépend ce qu'on veut, là, mais c'est ça. Mais c'est bien écrit, puis en même temps, le casting est tellement de bonne qualité que, veux pas, tu te prends au jeu, puis tu t'intéresses à qu'est-ce qui arrive, puis à qu'est-ce que les personnages disent. Parce que ça peut arriver. S'il aurait fallu que le casting soit de qualité moyenne, les scènes de dialogue ou toutes ces choses-là ne fonctionneraient pas. Tandis que là, tout fonctionne. Le casting est vraiment je dirais 5 étoiles. Là, j'ai rien à reprocher au casting. Là, j'ai adoré toutes les performances, autant secondaires que principales. Ouais. Je pense qu'on peut s'entendre que c'est pas mal sa grosse force au film, son casting. On en revient tout le temps à ce sujet. Oui, parce que tu sais, on pourrait pas faire un gros débat, comme je disais, sur la réalisation de Robert Redford, parce que c'est vraiment classique. C'est conventionnel. C'est conventionnel. C'est une bonne réalisation, mais je veux dire, il n'y a rien de tape à l'œil, puis je peux pas dire, ah oui, j'ai aimé tel plan. C'est vraiment très traditionnel. Il n'y a pas de signature, vraiment, Robert Redford. On peut pas dire, tu sais, ses plans habituels ou. J'ai pas vu suffisamment de ses films réalisés par lui pour dire ça, mais par ce film-là, je trouve pas personnellement qu'il y avait une personnalité à lui. Non, ça pourrait lui, être un peu n'importe qui. C'est juste son nom, tu sais, dans le fond, qui attire. Tu sais, ça peut être un peu. Tu regardes ce film-là, puis c'est ça, tu te rends compte, ça pourrait être n'importe qui. Sinon, y avait-tu. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Moi, il y a un petit truc qui m'a aguiché. C'est pas grand-chose, puis c'est probablement anodin. Peut-être toi, tu vas dire, c'est ridicule. Mais, tu sais, le film se déroule des années 50, puis j'aime beaucoup ça, un film qui fait une bonne reconstitution, puis t'embarques dedans, puis que c'est bien fait. J'aime pas, par contre, moi, je le remarque tout de suite, puis ça, je sais pas, ça me gosse, c'est lorsque je vois qu'ils prennent des images d'archives pour intégrer ça dans un film, comme par moment, t'as des images qui ont vraiment pris des années 50 ou que c'est juste un gros plan de la ville avec le monde qui marche dans les rues avec les voitures. Puis on dirait une image documentaire, un peu comme quand tu écoutes un film d'astronaute puis quand c'est le temps du décollage de la fusée, mais ils vont juste prendre les vraies images. Ils vont prendre du stock footage, ouais. Du stock footage. Puis c'est des petits détails des fois que ça me gosse parce que je le remarque tout de suite. Puis des fois, c'est pas nécessaire. Je pense que vous pouvez comme juste recréer une reconstitution sans utiliser des images. Je me rappelle d'un plan particulier dans ce film-là que tu parles, là, du genre que tu parles. Je sais pas s'il y en a eu plusieurs, mais je me rappelle d'un en particulier qui m'a marqué. J'en ai vu 3. Puis je te dirais que moi, ça m'a pas choqué tant que ça, mais je l'ai remarqué. Je t'avoue qu'il ressort un petit peu du lot. Mais c'est pas autant que, comme tu dis, des films qui utilisent des stock footage ou qui prennent. Qui vont te montrer des personnages dans la jungle, puis après ça, ils vont switcher à des vraies scènes des vraies images de Lyon, puis des fait comme ça. Avec des, ouais, ça, non, ça, vient, c'est ça, ça, vient tout, ça devient tout granuleux, puis ça vient pas beau, puis tu vois que ça a été pris de plein de sources différentes, tu sais. Ça m'a pas choqué, c'est juste c'est un petit détail anodin qui. Ouais. C'est revenu 2-3 fois dans le film. J'étais comme. On comprend que ça coûte moins cher que de reconstituer une rue complète. Oh ouais, non, j'imagine. Pour ce genre de production-là, tu sais, qui a probablement pas coûté des millions et des millions, c'est pas Jurassic Park, là, tu sais. Je sais pas s'ils pouvaient se le permettre de faire une rue complète avec des chars et tout. Difficile à dire, je connais pas son budget, mais il y a quand même du budget là-dedans. Je veux dire, il y a. En dehors des scènes que j'ai mentionnées, la reconstitution de l'époque du reste, est quand même de très bonne facture, là, je veux dire. Il y a quand même eu beaucoup d'efforts là-dedans, autant au niveau des costumes que... t'as quand même plusieurs grosses scènes dans les rues que tu dois quand même... C'est, ça, c'est une chose que je fais. Des fois, j'écoute des films des années 50, 80, puis on dirait que lorsque les personnages vont marcher dans les rues, je vais juste me forcer à chercher une voiture récente ou de quoi, juste pour me dire, ils ont fait une erreur là. Mais souvent, des fois, j'y arrive pas trop souvent, mais avec celui-là, je me rappelle pas d'avoir vu de quoi qui m'a comme fait sourciller ou dire, ah, c'était pas présent à cette époque-là. Un peu comme un gladiateur, quand le monde avait vu la montre du gars, je pense, ou un technicien marcher derrière. Ouais. Bien, gladiateur. Il y a dans Ben-Hur, en tout cas, il y a plusieurs films. Le Ben-Hur, je pense qu'on voit une voiture aussi. Oui. Mais non, c'est ça, en gros, pour revenir au film, puis au fait qu'il n'est pas trouvable. Je me rappelle avoir checké sur IMDb dans les forums. J'étais juste en train de checker. Ça, c'est pas une bonne source d'information, mais je checkais un peu les forums. Qu'est-ce que les gens en disaient de nos jours? Puis une des théories, c'est que probablement que les gens qui travaillent à la télévision, les grosses compagnies, tout ça, veulent peut-être pas que les gens voient ce film-là. Fait qu'ils ont peut-être fait en sorte que ça soit difficile à trouver. Parce qu'il existe en DVD, tu sais, on peut le trouver en DVD, mais c'est pas un film qui a une très grande distribution. Ben, en tout cas, ça fait 15 ans que le DVD est sorti, ou 16 ans, là, tu sais, fait que... Ça serait stupide dans un sens, parce que t'as d'autres films qui traitent du même sujet que tout le monde peut facilement trouver ou voir. Fait que je vois pas pourquoi... spécialement celui-là, ces gens-là voudraient pas que le monde porte attention à Quiz Show. Là. Puis en même temps, tu sais, est-ce qu'il y a vraiment du monde de nos jours, en 2015, qui gobe à 100% tout ce qu'il y a à la télévision, que ce soit les nouvelles ou... Ben, il y a des gens qui croient que la télé-réalité, c'est vrai. Je sais pas, là, je dis ça... Peut-être plus en 2015. On juge pas personne. Non, peut-être plus en 2015 non plus. Là. Mais... Non, mais on serait surpris. Je pense qu'il y a du monde qui croit un peu, qui croit beaucoup de choses, mais tu sais, non plus, je veux pas être condescendant vers le monde. Là. Mais je sais pas si les films de Robert Redford, en général, ils ont eu des rééditions ou sont sortis en Blu-ray même, je sais pas, tu sais. Mais honnêtement, je me rappelle même pas si un film de Robert Redford, j'ai déjà vu ça dans un top de classique ou peu importe. Puis là, je parle en tant que réalisateur, parce que je sais qu'il a quand même réalisé plusieurs films. Là. C'est loin d'être son premier. Oui. Puis, j'ai l'impression que ces films, la plupart du temps, semblent pas avoir marqué tant que ça. Un que je me rappelle, je pense, c'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Lui, c'est un qui m'a le plus marqué par son titre, mais... comme je te dis, peut-être que tous ces films-là ont tout ce genre de feeling-là que Quiz Show, ce sont soit des bons ou excellents films, mais que ça va jamais plus loin que ça. Peut-être, oui. J'avoue que je n'ai pas... tu parles de L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, je l'ai même pas vu. Je me rappelle quand c'est sorti, mais je l'ai pas vu. La légende de Bagger Vance, c'est pas avec... c'est quoi son nom? Cuba Gooding Jr., ça? Oui, je pense que oui. Ah non, c'est Will Smith. C'est pas parce que je mélange. Ouais, c'est pas par... Oui, exactement. Puis Matt Damon. Et c'est pas parce que je mélange les noirs. Là. J'étais juste. ça n'a pas rapport. T'as pas à te justifier là-dessus. Là. On sait très bien. Peut-être que j'ai mélangé avec le film Radio ou quelque chose comme ça. Mais sinon, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait A River Runs Through It en 92. Avec. Ouais. C'est pas Brad Pitt, ça, là-dedans? Oui, Brad Pitt. Oui, c'est avec Brad Pitt. Mais j'avais pas vu vraiment beaucoup de ses films non plus. J'en ai vu beaucoup de lui en tant qu'acteur, mais pas en tant que réalisateur. C'est drôle, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Robert Redford. Je trouvais qu'il avait disparu un peu de la carte. Puis lorsque j'ai découvert le deuxième Captain America, ben je sais pas, j'étais content de le revoir. Oui. Mais en même temps, j'étais comme, mon Dieu, qu'il a pris un coup de vieux, c'est fou. Oui. Mais il est vraiment bon dans le film. Mais c'est juste que... Ça m'a vraiment surpris parce qu'on a vraiment été dans une longue période sans le voir. Puis là, ça a comme fait « Ouh, OK, ouais. Non, il a vraiment pris un coup de vieux. Ouais, » Si je regarde comme ça par curiosité, là, sa carrière d'acteur commence en 60. Wow. Le gars, il est là depuis longtemps. Là, puis il a fait beaucoup, beaucoup de films avec Paul Newman. Je pense que le décès de Paul Newman dans les dernières années, c'est quoi, en 2000... Ça fait moins de 10 ans qu'il est mort, Paul Newman, puis je pense que ça l'a beaucoup affecté, là. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de films ensemble, puis ça a dû l'affecter. En tout cas, c'est ma théorie, là, mais... Mais ouais, non, c'est ça, c'est un gars que j'aime beaucoup, puis... Ben moi, en tout cas, pour finir un peu la discussion sur Quiz Show, moi, je le recommanderais à tout le monde, Quiz Show, parce que je trouve que, ben, en termes de documents historiques, c'est sûr que c'est encore mieux de voir un documentaire, mais je trouve que c'est une bonne façon de présenter le truc, puis d'apprendre un peu c'était quoi, qu'est-ce qui se passait dans le monde des quiz télévisés dans les années 50, puis... T'sais, juste pour s'informer, juste pour puis pouvoir des très bonnes performances d'acteurs. Si vous aimez John Turturro puis Ralph Fiennes, puis vous n'avez pas vu ce film-là, je trouve que ce film-là est un gros morceau dans leur filmographie. Peut-être pas un gros morceau en termes de popularité, mais c'est un gros morceau en termes d'acting. C'est un film dans lequel ils sont tous les deux en vedette, puis... C'est un film parfait pour les découvrir, pour ceux qui sont vraiment, mettons, novices avec ces deux acteurs-là. Ou si, que... comme toi, les gens pensaient que John Turturro était juste un idiot. C'est la faute à Adam Sandler, ça. Non, John Turturro est un acteur très talentueux, je trouve. Ça. Ralph Fiennes, c'est un caméléon. Là, il peut jouer Voldemort, il peut jouer un nazi dans Schindler's List l'année avant Quiz Show. T'sais. Ou un tueur cannibale dans Red Dragon que je n'aime pas spécialement, mais que sa performance est vraiment bonne. Oui, film, oui. Dans Spider, dans Le Patient Anglais, c'est un excellent acteur. Ah, et dans surtout... J'ai eu un flashback, In Bruges, une de mes comédies favorites. C'est vrai, j'ai pas encore vu, mais tu vois, t'en avais pas. Ah non, il va falloir que tu le vois là-dedans, il est vraiment bon aussi également, il est très drôle. Mais sinon, comme toi, je recommande fortement Quiz Show, parce que c'est un excellent film, c'est une très bonne histoire, comme tu dis, avec d'excellents acteurs. Je veux dire, vous allez sans doute autant adorer si le sujet vous intéresse déjà en partant sur le show business. Et c'est intéressant parce que le film se passe des années 50. Fait que je pense que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas autant habituel. Si le sujet est un peu déjà vu, le temps auquel il se déroule, je pense que c'est ça qui fait un peu sa force. C'est intéressant de voir comment ça marchait dans les années 50. Fait que c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment... Pendant 2 heures, je ne me suis pas emmerdé une seconde. J'étais vraiment intéressé. J'aimais beaucoup les acteurs. Puis j'ai vraiment trouvé que c'était un très bon film. C'est vraiment un très bon film. C'est pas quelque chose de forcément mémorable ou qui va marquer votre esprit. Mais vous allez définitivement prendre beaucoup de plaisir à le voir. Ça, c'est sûr et certain. Puis tu sais, on parle beaucoup des acteurs parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'actrices. Il y a d'un plus connu, il y a Mira Sorvino, mais elle n'a pas un si gros rôle que ça. Non, c'est ça, elle est pratiquement peu présente dans le film. J'ai été étonné, je pensais qu'elle aurait peut-être une présence plus importante à un moment donné. Elle commençait à l'époque, puis tu sais, c'était l'année aussi de Maudite Aphrodite de Woody Allen, où elle avait vraiment un très très gros rôle. Mm-hmm. Puis celui-là, je pense que non, elle n'était pas encore assez connue. Puis, non, c'est ça, c'est dommage. Mais tu sais, c'est l'époque, les années 50, les gens qui faisaient l'actualité, tout ça, c'était souvent des hommes. Puis cette histoire-là concerne juste des hommes. Fait que tu sais, c'est pas un point important tant que ça dans le film, mais je voulais juste le souligner. Là, on parle beaucoup d'acteurs depuis tantôt, c'est parce qu'il n'y a pas d'actrice tant que ça dans le film, tu sais. Ou pas d'actrice mémorable, tu sais. Il n'y a pas d'autres personnages mémorables de femmes. Fait que, ben, sur ça, On va se laisser avec une chanson que je n'ai pas encore choisie. On n'a pas encore discuté de quelle chanson qu'on mettrait, mais vous allez le découvrir en même temps que... vous allez le découvrir à l'instant. Et donc, on revient tout de suite avec le film « Stay tuned ». Cause I got the Daily Double now. And then my mind went blank. I took potpourri for 100. And then my head started to spin. Well, I'm giving up the Pardo. Just tell me now what I didn't win. Yeah, yeah. I lost on Jeopardy, baby. Ooh. I lost on Jeopardy, baby. Ooh. That's right, Al. You lost. And let me tell you what you didn't win. A 20-volume set of the Encyclopedia International, a case of turtle wax, and a year's supply of Rice-A-Roni, the San Francisco treat. But that's not all. You also made yourself look like a jerk in front of millions of people. And you brought shame and disgrace on your family name for generations to come. You don't get to come back tomorrow. You don't even get a lousy copy of our home game. You're a complete loser. Eh bien, nous revoici pour Stay Tuned, un film de 1992. C'est réalisé par Peter Iams, qui a fait entre autres La Relique, film de monstre des années 90, Time Cop avec Jean-Claude Van Damme, Outlander avec Sean Connery et 2010. Si je me trompe pas, c'était comme une pseudo-suite non, de 2001. Non, c'est la suite, c'est pas juste une pseudo-suite. C'est, okay. Parce qu'il y a quatre romans de 2001 écrits par le même auteur. Ça, c'est 2001, 2010, 2061 puis 3001. Puis toute l'histoire se suit. Puis lui a fait, le deuxième roman en fait en film. Ok, ok. Et ça met en vedette John Ryder, Pam Dabur et Jeffrey Jones. Et aussi Eugène Lévy. Je veux juste le mentionner parce que c'est un acteur oui. canadien que j'aime oui, beaucoup. Puis c'est ça. J'avais complètement oublié qu'il jouait là-dedans. Quand j'avais vu le film, j'étais vraiment client d'eux. Et ça raconte l'histoire de la famille Knebel. On va suivre Roy, qui est dans le fond un mari qui a un peu perdu son piquant avec Hélène. Leur relation de couple ne va vraiment pas très bien. Roy est tout le temps sur la télévision en train de passer ses journées à regarder toutes sortes d'émissions de films et à juste dévorer la télé. Finalement, ça me ressemble moi-même. Et une bonne journée, leur couple est vraiment sur le point de crasher. Et Hélène, par frustration, va briser une des seules télévisions qu'il va avoir de la maison. Et durant la nuit, on a le personnage de Spike qui va venir offrir à Roy un espèce de gros équipement dernier cri satellite avec 600 chaînes, avec la grosse télévision 47 pouces, système de son, gratuitement. Mais gratuitement, ça veut dire à l'échange de son âme, parce que Spike travaille pour le diable et il s'amuse à aller chercher des âmes via le biais de la télévision et du satellite, parce que le satellite va aspirer Hélène et Roy qui vont participer à toutes sortes d'émissions et de trucs dangereux. Et ils ont 24 heures pour réussir à survivre, ou sinon ils vont perdre leurs âmes qui vont aller au diable. Dans le fond, c'est encore M. Bougalou qui se déguise. Oui, on peut dire ça. Au lieu d'une pomme, il offre un système cinéma maison. Fait qu'on écoute un extrait du film, puis on revient tout de suite avec notre discussion. Attends, c'est pas très clair. On se serait fait aspirer dans un genre de monde de télévision. Vous voulez dire que ce vendeur était... Monsieur Spike, le Méphistophélès du rayon cathodique, le bon samaritain des défunts ingrats. Et je vous jure que si je le croise sur une autre chaîne... Oh. Roy, tu te rends compte de ce que t'as fait? J'ignorais que ça faisait partie de l'entente, je croyais seulement acheter une télé. Oh, alors là, c'est génial. Toi qui voulais vivre dans l'univers de la télé, ton souhait se réalise. On est encore en vie, regarde le bon côté des choses. Oh, pour l'instant, si vous survivez les prochaines 15 heures, bingo, vous reprendrez le chemin de la réalité. Sauf que les chances d'y parvenir sont moins de une sur... Oh zut. Le froid, c'est pas très bon pour oh, un cadavre. Dieu. Faut pas paniquer, je nous ai foutus là-dedans, je nous en sortirai. Oh, tu vas nous en sortir. Tes talents de meneur ne nous sortiraient même pas de t-shirt. Stay Tuned, moi, c'est un film que j'ai grandi. Comme Retour vers le futur et tous ces films-là, j'ai écouté ce film-là en boucle. Puis à un moment donné, pendant plusieurs années, j'ai comme perdu le film tout court de vue parce qu'il n'y a pas eu de vraiment de grosses rééditions DVD. Même là, je trouve qu'il est quand même difficile à trouver. Oui. Puis finalement, il y a peut-être 4-5 ans, j'ai réussi à tomber sur une VHS lorsque mon vidéo fermait dans mon petit coin. J'en ai profité pour l'acheter. Et c'est un film que j'avais beaucoup de plaisir à voir parce que j'aime beaucoup John Ryder. Et comme vous savez, c'est un acteur qui est décédé. Puis je trouvais qu'il y a tout le temps une présence, le fun. C'est vraiment un acteur, vraiment le fun à voir à l'écran. Puis je trouvais que Stay Tuned, c'était un film vraiment divertissant, qui a un bon potentiel. Moi, j'aimais l'idée de voir des personnages juste se promener de chaîne en chaîne, puis te demander ça va être quoi la prochaine chaîne, dans quoi qui va tomber. C'est complètement imprévisible. Tu sais jamais c'est quoi qui va arriver. Fait que ça donne place à plusieurs bonnes surprises, puis ça donne un bon rythme au film. C'est très varié. Tu sais, ça peut autant varier entre quelque chose d'horreur, de plus familial, d'action. Fait que moi, je trouve que tous les ingrédients sont là pour avoir une grosse comédie vraiment le fun qu'on va passer une heure et demie bien agréable. Et je me demandais si le film avait bien vieilli, parce que je dois t'avouer que ça fait peut-être justement depuis que je l'ai acheté en VHS, je pense que ça fait 5 ans que je l'avais pas vu le film. Fait que j'étais très intrigué de voir ce que ça allait donner. Et toi, JF, quelle est ta relation avec Stay Tuned? Moi aussi, c'est un film que j'ai vu jeune, puis je l'ai revu plusieurs fois. Puis moi aussi, j'ai acheté la VHS en français. Mm-hmm. Puis je l'ai trouvé en DVD à un moment donné. Ben, en fait, je l'avais loué en DVD, oh. Puis j'ai réussi à le voir en widescreen. Mais tu sais, je suis toujours attaché à la VHS en français. Puis la version française, je l'adore. La version française québécoise, parce que on sent que c'est des voix enregistrées au Québec. Mais non, mais c'est ça, puis... moi, j'adore aussi John Ritter, puis je m'excuse, je le prononce différemment, mais j'ai toujours entendu John Ritter. Fait que... Mais c'est ça, c'est un acteur qui... c'était un des rois de la comédie physique des années 70-80, avec Vivre à 3, la série Vivre à 3. C'était un maître de la comédie physique. Puis ce film-là, ça lui donne l'opportunité de nous en donner là, à fond. Là, c'est une superbe opportunité de donner sur un plateau d'argent pour lui. Il peut faire un million de choses, comme tu dis, ça passe d'un genre à l'autre. Puis c'est divertissant, on s'ennuie jamais, ce film-là. Puis ben, c'est drôle parce que moi aussi, je me reconnais un peu dans son personnage, puis je pense que je me reconnaissais déjà un peu à l'époque parce que je savais que j'aimais beaucoup écouter des films à tous les jours, mais c'est quand plus tu vieillis, puis tout, c'est ça, je vais me démêler en ce que je veux dire, mais on le regarde à ce temps avec des yeux d'adulte, puis on le voit lui, tu sais, son personnage est dans trentaine probablement, fait qu'on est proche de son âge, tu sais, puis on se met un peu à sa place, t'sais, que lui, sa blonde est vraiment écœurée, sa femme est vraiment écœurée de son style de vie, puis tout. On peut facilement s'identifier. Ouais, c'est ça. C'est vraiment facile. C'est le fun de le regarder à un autre âge, je trouve, puis de le voir différemment à ce niveau-là, tu sais. Puis tu sais, je le vois, puis tu sais, il change de chaîne, il tombe juste sur un vieux film en noir et blanc de mousquetaire un peu, si on veut, puis il connaît les répliques par cœur, puis il fait juste toutes les dire une après l'autre, puis tu sais, je me reconnais comme fan du cinéma puis de la télévision, qui mes films favoris, je suis capable de te dire toutes les répliques par cœur, tu sais, comme Retour vers le futur, là, j'ai prédit tout d'avance, puis dès que sa femme essaie d'expliquer, de parler avec lui, puis d'avoir un peu du temps de couple, d'essayer de se retrouver, tu sais, loin, puis lui écoute un match de basketball, puis il écoute à peine, puis il est juste comme oui, oui, t'as raison, chérie, oui, oui, oui, puis je m'identifie à ça parce que je l'ai fait moi-même, tu sais, j'écoutais de la télé, puis ta blonde essaie de te dire de quoi, puis t'es comme ouais, non, je suis d'accord, ouais, mais tu sais, tu continues à te concentrer sur la maudite télévision, là, puis c'est une drogue, veux, veux pas, puis un coup, tu t'enfonces là-dedans, c'est difficile. C'est difficile d'essayer de pas trop sombrer là-dedans au point de nuire à ta vie de couple. Là. Puis c'est vrai que ça peut vraiment nuire. Fait. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'écoutais avec ma blonde comme ça par hasard, on a eu envie d'écouter des Indiana Jones. J'ai écouté le 3, puis après ça, je me suis remis le premier. Puis dans les deux films, je disais des répliques tout haut. je les écoutais en français, tu sais, puis... parce que c'est des films avec lesquels que j'ai grandi en français, puis je disais des répliques tout haut. Ouais, moi aussi. Je me faisais penser un peu à Roy. Puis, ce que j'aime beaucoup dans Stay Tuned, puis à chaque fois que je le réécoute, c'est un plaisir qui se renouvelle à chaque fois, c'est de revoir les différentes émissions de télé sur le nouveau système diabolique, là, tu sais, les émissions puis les films. Je pense que l'équipe qui ont fait le film, les scénaristes, ils ont tellement eu du fun à trouver des titres. Ah, oui. Les gens, Trois hommes et le bébé de Rosemary, ou le Shoplifting, le Home Shoplifting Channel, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Ou tu sais, une émission de surprise, mais oui. Eux, leur joke, c'est qu'ils servent à annoncer que son mari de la femme il est décédé. Regardez bien la réaction de la femme lorsqu'ils vont lui annoncer que son mari, en fait, n'est pas mort. Puis. C'est de l'humour noir parodique, vraiment drôle, puis c'est vraiment le fun, c'est juste le fun, puis ça me rappelait UHF. Oui, exactement, c'est vrai. Ce style de parodie-là, puis moi j'adore ça, puis le film il t'en donne, tu sais, c'est pas comme il t'en donne deux, trois au début, puis après il y en a plus, non, tout le long du film, tu vas en avoir des parodies comme ça d'annonces de télévision, puis ils sont toutes le fun, là, à chaque fois j'étais plié en deux, là. Puis t'as la version zombie de Wayne's World, Dwayne's Underworld. Ouais. En français, c'est l'enfer de Dwayne. Ouais. Extrême gros plan sur Monsieur Nebo. Ah, il y a tellement d'affaires. Puis, mais comme tu dis, il y avait ça dans UHF. Puis on peut voir ça. Ça peut être une sorte de critique ou de regard, en tout cas, un peu sarcastique sur la télévision de l'époque. Puis. Je me rappelle, moi, quand je regardais ce film-là, je tripais sur la télécommande puis sur son gros système maison. Puis je regarde ça à cette heure, puis je trouve ça un peu minable. Tu sais, le système, il a l'air bien ordinaire. Puis sa TV, à cette heure, elle fait pas l'affaire comparée aux TV qu'il y a maintenant de nos jours. Mais C'est ça que j'allais mentionner, la télécommande. Je me rappelle, quand j'étais jeune, ils t'ouvrent ça dans une petite boîte de bois, là, comme si ça allait être la télécommande du futur. Puis là, elle fait plein de bruit, elle fait plein de lumière. Puis là, j'étais comme, waouh, j'aimerais ça, ouais, ça. Puis là, tu vois son système de son dans un gros meuble jaune LED. Puis, tu sais, une télévision bien ordinaire. Je voyais ce film-là, puis je rêvais à la télécommande. Puis c'est arrivé, genre, 6-7 ans plus tard, qu'on a commencé à avoir des télécommandes du genre, un peu avec Vidéotron, tu sais. Ouais. Qui font des. T'as des pitons qui illuminent, puis c'est comme, ok, c'est cool, mais c'est. Ça l'a vieilli dans le film. Oui. Ce point-là, ça l'a vieilli, puis c'est pas vraiment très impressionnant lorsque tu vois ça, mais je veux dire... Mais c'est normal, tu sais, la technologie vieillit, là, ouais, c'est ça, c'est tout le temps le pire dans les films, la technologie à vieillir, mais un coup, tu rentres des émissions, puis un coup, qui se font absorber par des satellites, je veux dire, le reste, ça suit bien, là, parce que c'est toutes des émissions qui varient selon les temps. Tu sais, t'as des émissions qui se passent dans des... moments historiques, d'autres qui se passent dans des trucs qui existent déjà, comme Star Trek, t'as des espèces de moments avec Star Trek, puis c'est vraiment puis c'est même un dessin animé. Autant des émissions que des films. Et ah oui, puis c'est ça, le dessin animé, t'en parles. C'est dessin animé, la section qu'on voit, voyons, le petit segment de dessin animé qu'on voit, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont été chercher un des vrais animateurs de dessin animé style Bugs Bunny, là, c'est Chuck E. Jones, je pense son nom, puis... c'était un vieux vétéran, là, t'sais, quand ils ont fait le film, il était rendu dans les 70 ou 80 ans, je sais pas trop, puis il a accepté de faire le film, puis sa technique est tellement, tellement bonne, t'sais, il y a juste lui qui peut faire vraiment cette technique-là, puis c'est tellement bien fait, ce segment-là, j'adore ça, moi. T'as juste vraiment l'impression d'écouter un Looney Tunes, là, puis t'sais, c'est pas pour rien de clin d'œil à la fin, lorsqu'il fait « Goodbye, les amis », puis là, t'entends la petite musique, tin, tin, tin, tin, tin, tin, fait que, t'sais, tous ceux qui aiment Bugs Bunny, les Looney Tunes, c'était pas une imitation, c'était vraiment le vrai animateur, c'était ça qui est cool. Là. Ouais, ça paraît aussi, le dessin de qualité. C'est un de mes segments préférés. Puis un autre de mes segments préférés, c'est quand Roy se ramasse dans un film noir. J'adore, je savais d'aller le mentionner. Style Casablanca un peu, là, j'ai adoré ça, cette scène-là. Puis il se met à parler, puis c'est une narration, puis ça me fait rire. Mais qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Je me suis posé la question durant ce visionnement-là, parce que moi, je le vois de temps en temps, le film, je le vois peut-être aux 3, 4, 5 ans. Mais là, c'est la première fois que je me posais vraiment la question, est-ce que le film pourrait être refait de nos jours avec, genre, le focus sur Netflix ou quelque chose comme ça, tu sais, là, ça serait dans un autre contexte, là, mais... Mais c'est vraiment drôle que tu dis ça, parce que je me disais, ça serait le fun de voir un remake de ce film-là, parce que ça pourrait être intéressant, tu sais, y aller avec des trucs plus à jour, des émissions plus à jour aussi. Je crois que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Puis je dis pas remake parce que le film mal vieilli, c'est, je le pense pas en tout, mais je crois juste que ça peut apporter d'autres trucs intéressants, ça vaudrait la peine. Oui, ça peut apporter un regard intéressant sur la télé en 2015 telle qu'on la consomme. Moi, je me demande juste, ben, je pense qu'il faudrait que les références soient très claires, parce que dans ce film-là, t'sais, les gens écoutaient toutes les mêmes émissions, t'sais, les Américains ou les... En tout cas, on écoutait toutes les mêmes émissions aux mêmes heures. Pis tout, pis la lutte. Quand t'arrivais le lendemain matin, je veux dire, au bureau ou à l'école ou peu importe, tout le monde avait écouté l'émission la veille de Dallas ou peu importe de quelle série qui passait. Au Québec, on avait tout lancé compte. À chaque fois que ça passait, tout le monde, le Québec entier, était devant lancé compte. Ou quand il y avait les filles de Caleb, c'était la même chose. De nos jours... Tout le monde écoute ses propres petites affaires. On a toutes nos propres séries. Moi, je peux avoir genre 10 séries que j'écoute. Puis toi, t'as d'autres séries que t'écoutes. Puis on n'écoute pas en toutes les mêmes affaires, tu sais. Faudrait que les références soient assez claires dans un remake. C'est ça qui serait un petit peu difficile parce que les gens n'ont pas toutes les mêmes références. Moi, j'ai jamais écouté Game of Thrones. Fait que si t'envoies le Roy dans un remake puis qu'il se ramasse dans un épisode de Game of Thrones, je comprendrais peut-être pas nécessairement la référence. Mais en même temps, je prends un mauvais exemple parce que je sais, si je verrais, mettons, un environnement qui ressemble à Game of Thrones, je serais capable de le reconnaître. Mais tu sais, un environnement comme une série que j'ai jamais écoutée, comme Entourage ou une série quelconque. Ben, faudrait juste qu'ils choisissent attentivement les trucs qu'ils vont parodier ou faire pour être certain que la majorité du monde qui vont voir le film vont les saisir. C'est plus ça. Mais tu sais, en même temps, même dans City Toon, il me semble qu'il y en a quelques-uns que je suis pas trop certain de. Si c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans ma vie aussi. Là. OK. Il y a... Ben, c'est vrai, non. Ben, en fait, de Stay Tuned, c'est parce qu'on était peut-être un petit peu trop jeune aussi pour connaître certaines émissions. T'sais, y a... Moi, j'ai connais... Je pense pas qu'il y ait vraiment d'affaires que je reconnais pas, mais c'est surtout des titres. C'est pas d'affaires que j'ai vues, tu sais, mais... C'est comme quand ils se ramassent dans l'hiver. Dans le début du film, là, l'hiver, c'est Northern Overexposure. Pis, c'est ça, je connaissais pas vraiment. Le vrai titre, c'est Northern Exposure. Mais, okay. Les Golden Girls, j'ai jamais vraiment écouté, mais je sais quoi. Mais les autres, là-dedans, c'est les Golden Ghouls. Tu mentionnais que tes préférés, c'était le segment d'animation, puis celui du film en noir et blanc que j'aime beaucoup. En fait, ces deux-là, je les aime vraiment, puis je les aime tous. Mais. Un que j'aime beaucoup aussi, c'est l'espèce de parodie du chauffeur de Miss Daisy. Oui, oui. Driving over Miss Daisy. Oui, puis ça s'amuse juste à l'écraser sans arrêt. Puis tu vois juste John Wilder qui est comme... Mais on n'a pas mentionné... Alors, tu l'as mentionné dans ton résumé, mais Jeffrey Jones qui joue Spike. Moi, c'est un acteur qui me faisait un peu peur quand j'étais jeune parce que je l'avais vu dans des films comme Transylvania 2500 ou dans Beetlejuice, puis il y a aussi... Il y a un sourire creepy. Ferris Bueller, évidemment. Mais dans les deux films que j'ai mentionnés, Transylvania puis Beetlejuice, comme tu dis, il est un petit peu creepy. Puis dans celui-là, il joue le diable à merveille, tu sais. Après ça, quelques années plus tard, il s'est ramassé dans un scandale de pédophilie, mais c'est dommage là, qu'il soit tombé là-dedans. Mais dans les années où qui était au top, là, il était, moi, c'est un acteur que j'aimais beaucoup voir dans les rôles de méchants. Il y a une face particulière. Puis dans ce, ça, c'est encore là, c'est comme je disais tantôt, John Ritter est un roi de la comédie physique. Ce film-là est génial pour lui, mais Jeffrey Jones est génial dans les méchants. Puis ce film-là est fait pour lui aussi. Il est vraiment bon là-dedans. J'ai autant de plaisir à le voir, mais encore, même si on sait tout ce qui est arrivé par la suite, puis ça l'affecte pas mon visionnement. T'sais, je réécoute l'autre film que tu as nommé avec Matthew. Ferris Bueller. Ferris Bueller, ouais. Ça, c'est des films que je vois aujourd'hui, puis que j'ai encore du plaisir à voir Jeffrey Jones, parce que c'est un acteur que j'aimais voir à l'époque. Puis. C'est plate ce qui est arrivé, puis c'est autant plate pour Roman Polanski quand il y avait les scandales lui aussi. Ça n'empêche pas que j'adore Rosemary Baby et ces films-là. Puis en termes de performance d'acteur, ben c'est pareil pour Jeffrey Jones. T'sais. Non, tu peux pas. Ça dépend de comment tu vois les choses, mais tu peux. Non, je suis comme toi aussi, je peux pas vraiment m'empêcher de. Ça reste un film et de la fiction, en fait. Ouais, t'sais. C'est ça. Puis non, je trouve qu'ils sont vraiment parfaits les deux ensemble. Dans la dernière partie du film, quand ils s'affrontent, j'adore ça, les affrontements entre eux autres. Puis comment est-ce qu'ils se retrouvent chacun dans différentes chaînes. Comme tu as mentionné, Star Trek The Next Generation, c'est tellement drôle avec John Ritter qui est dans le rôle du Capitaine Picard, qui a plus un poil sur la tête. Puis, puis l'autre qui se retrouve quasiment dans tous les autres personnages tout autour de lui. Puis... Puis il y a aussi le vidéo de Salt and Pepper qui me fait tellement rire parce que c'est ça. Ça va tellement dans plein de directions, le film différent. John Ritter se retrouve dans une vidéo de Salt and Pepper. Puis chose est là en termes de DJ puis tout. Puis c'est tellement drôle. Puis... En fait, c'est pas compliqué. Genre, Stay Tuned, en 1h30, vous avez un condensé de tout ce qui était populaire à l'époque. Là. Oui. C'est vraiment ça. Là. Puis c'est le fun d'avoir ça. Pour ceux à qui ça intéresse, je pense qu'ils pourraient avoir du plaisir à découvrir qu'est-ce qui marchait ou qu'est-ce qui était bien connu des gens. Puis c'est le fun, c'est juste fun. Puis tu sais, tu le mentionnes, à la fin, ils n'arrêtent pas de changer constamment de chaîne quand c'est le temps du duel parce qu'ils vont chicaner avec la télécommande. Puis tu sais, veux pas, durant le film, tu l'attends, cette scène-là, tu le sais comment il va arriver de quoi de même. Puis c'est, tu sais, je veux dire, le film te le donne, puis c'est pas décevant, là. C'est juste le fun au bout de toutes les scènes qui n'arrivent pas de changer. Autant western, médiéval, ouais, comme je mentionnais, ou mousquetaire, ça n'arrête plus, puis autant ça va dans toutes les directions. Puis c'est ça qui donne un rip au film. C'est tellement varié. Puis tu sais, juste l'idée de reprendre Wayne's World, mais en zombie, c'est tellement le fun. Moi, j'ai vraiment du plaisir avec ça, là. Puis pour. Pour finir sur le vidéo de Salt and Pepper, ce qui me fait rire, c'est qu'à un moment donné, un des danseurs pogne la télécommande puis baisse le son. Il met ça sur mute, tu sais. Les autres la regardent, c'est comme « What the fuck? » Puis redonne-moi la télécommande puis remettre le son. C'est le genre de détail que j'adorais. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que tu vois que tous les acteurs sont impliqués puis qu'ils ont du fun. Puis, veut pas, John Ryder puis Jeffrey Jones s'amusent au max, oui, là. Oui. Puis, ils sont dedans à fond. Puis... Que dire de Eugène Lévy? Eugène Lévy, c'est lui qui fait le papa de... Stifler. Non, pas Stifler. Stifler, ça, c'est Sean William Scott. Ah oui, t'as raison, non. Il fait le papa de lui qui fait la tarte, là. Non, en tout cas, Jim, American Jim. Pie. Ouais, c'est ça, de Jim. Fait que... Il est jeune, mais... Pas jeune. On dirait que ce gars-là, il est intemporel. À chaque fois que je le vois dans un film, on dirait qu'il a le même visage puis la même couleur de cheveux. Tout est parfait. Ouais, ben plus maintenant, mais oui, à l'époque, oui. Mais là-dedans, il est drôle parce qu'il se fait envoyer par Jeffrey Jones dans les télévisions parce qu'il a lâché un petit commentaire désagréable à faire lui. Puis il fait juste tomber en morceaux tout le long du film. Il manque un bras, il manque une jambe, il manque des doigts. Tu t'attends tout le temps à ce que ça aille mort dans chaque fois qu'on le voit. Puis il revient tout le temps à un moment donné avec ça, comme tu dis, avec un membre en moins. T'sais. Ça me faisait pratiquement, quoique pas aussi poussé, ça me rappelait le personnage dans American Werewolf in London. À chaque fois qu'il voit son ami réapparaître, qui est plus décomposé à chaque fois. Petite info, tu me fais penser à ça. L'ami dans American Werewolf in London est joué par Griffin Dunn, puis Griffin Dunn, il apparaît dans le film Quiz Show. Il joue un petit rôle. Oh. Un tout petit rôle. OK. Petite parenthèse. Puis on n'a pas parlé, mais... D'Hélène? Non, ben oui, je vais revenir deux secondes sur Hélène, mais la fameuse scène qui, moi, me faisait rire à l'époque parce que tout le monde avait grandi avec Vivre à Trois, quand ils se battent à la fin du film puis qu'ils changent de scène à tout bout de champ puis que John Ritter se retrouve dans le décor de Vivre à Trois avec les deux filles qui rentrent dans l'appartement puis qui disent « Mais où étais-tu passé? » Puis lui qui fait une face, il regarde la caméra puis il crie pour pouvoir s'en sortir parce que non, comme s'il est revenu dans un cauchemar, là, tu sais. C'est tellement drôle. Là. Mais il faut vraiment, tu sais, là, faut comprendre la référence. Un flot de 20 ans comprendrait pas la référence s'il n'a pas vu la série. C'est sûr. Mais non, c'est plein de petits gags comme ça. Il se ramasse dans des quiz comme au début, tu sais. You can't win, tu peux pas gagner. Ah, puis j'en oublie plein, là, Yann. Ah, c'est ça qu'il y en a tellement que, tu sais, on vous a même pas dit forcément toutes les meilleures, parce qu'il y en a plein, puis même les commerciales, il y en a que je voulais absolument parler. Il y en a un avec les trois Stooges, mais c'est les trois Dead Stooges ou Motherfucker. En tout cas, une espèce de type, les trois font une crise cardiaque un après l'autre. J'ai trouvé ça tellement drôle. Puis, non, c'est ça. Sinon, on parle beaucoup de John Ryder. Puis oui. Jeffrey Jones, mais il y a aussi Hélène. Pam Denver qui joue la femme de Roy, qui est très présente, qui est qui est très charmante, puis que je la connais pas forcément, je dois avouer, ben, cette actrice-là. C'est comme tout comme John Ritter, qui avait joué dans Vivre à toi, puis que le public connaissait surtout pour ça, Pam Dauber était connue pour Mork et Mindy, la fameuse série qui a fait connaître Robin Williams dans les années 70, puis okay. elle, c'était Mindy, son acolyte, puis c'est ça, elle était connue surtout pour ça. OK. Puis qui ont vraiment été chercher deux personnalités de la télé pour faire un film sur la télé, c'est vraiment intéressant pour ça. Ah, c'est vrai, j'avais pas remarqué. Puis, mais sinon, qu'est-ce que t'as pensé de elle? Ah, moi, je la trouve très bonne dans ce rôle-là. C'est sûr que c'est dommage parce que son personnage est chiante, puis ça fait juste nourrir le cliché de la femme un peu castrante qui veut juste que le gars soit romantique et tout ça, puis que lui, il veut s'amuser. Lui, puis encore là, lui aussi, c'est frustrant son personnage dans le sens où ce que lui, il est juste juvénile, puis il veut juste s'amuser, puis il veut checker à la TV, puis elle est juste trop sérieuse, puis ça, puis c'est le fameux couple traditionnel d'Ol, tu sais, au lieu de... J'aimerais ça qu'il fasse un remake, puis que ce soit la fille qui soit tout le temps devant la TV, je pense. Ouais, inverser les rôles, voir ouais. qu'est-ce que ça donnerait. Est-ce qu'un gars pourrait se plaindre que sa blonde écoute trop la télé? Ouais, non, c'est... Tu sais, je me demande si ça se peut. Je sais pas, ouais, c'est une bonne question. Mais non, c'est ça, ça joue un peu dans ces clichés-là, c'est un peu plate, mais sinon, elle joue très très bien son rôle, puis tu sais, c'est ça, pendant un long bout de temps dans le film, elle l'accompagne partout, puis tu sais, quand il faut qu'elle fasse la demoiselle en détresse dans un film noir, comme je disais, ou jouer la fameuse, ou jouer la souris. C'est sûr que là, je l'ai écouté en français, fait que j'ai pas idée vraiment qu'est-ce que ça donne leur voix, le travail de voix lors du dessin animé, mais en tout cas, c'est un détail. Mais dans toutes ces scènes, j'aime beaucoup la dynamique, la scène de lutte. Ça, dans le match de lutte, j'aime beaucoup ça quand elle se fâche. Ouais, parce qu'elle se fait arracher les cheveux. Puis ouais. Mes cheveux! Mais c'est ça, elle se laisse pas faire. C'est pas non plus juste une demoiselle en détresse qui se laisse faire. T'sais, c'est elle se bat, puis elle se chiale, puis c'est ça. Les deux vont se lier ensemble pour trouver des solutions pour réussir à trouver la porte vers la prochaine chaîne. Fait, t'sais, c'est pas juste Roy qui fait tout. T'sais, les deux ont chacun leur part là-dedans. Pis c'est intéressant que les deux personnages soient importants puis qu'ils réussissent chacun de leur part à faire quelque chose. J'aime vraiment leur relation. Quand ils se ramassent dans le genre de film de Révolution française, puis ils sont tous les deux. John Ritter est déguisé en femme, puis elle a une perruque, puis d'autres, puis ils sont assis à un bar, puis ils parlent un peu de leur passé, de leur relation qui a pris une débarque un peu, puis elle dit ouais, elle dit, quand je t'ai épousé, t'étais moins blonde, puis t'avais pas de sang. <t'sais. rire> C'est drôle, là, il dit aussi. C'est quoi qu'il dit? Bon, je viens d'avoir un blanc, ça donne de quoi de génial, ça. Je voulais dire, ah, c'est ça, il dit en même temps, toi, t'as toujours voulu visiter Paris, autant en profiter, chérie. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, c'est un beau petit couple, je trouve ça intéressant. Puis comme je te dis, le fait qu'ils ont tous les deux été des vedettes de la télé des années 70, pour le public, ça voulait dire quelque chose. Le public en 92, qui mettons, était dans trentaine ou dans quarantaine, puis qui avait grandi avec eux autres, mais ça voulait dire quelque chose, tu sais. C'est probablement qu'il prendrait. Il ferait un remake, il faudrait qu'il prenne des vedettes très connues de la télé des années 2000, mettons, ou fin 90. Là. Genre, tu prendrais James Van Der Beek ou. Ah, ben oui! Hey, j'aimerais savoir ça. Puis Sarah Michelle Gellar. Ça me dérangerait moins. J'aime bien Sarah Michelle Gellar. Ben oui, ça c'est sûr. Non, un autre acteur avec elle. Elle est badass, ça serait cool, mais un autre acteur de télé de l'époque. Je sais pas lequel. Là. On fantasme trop sur un Romain qui est. Je pense pas qu'il va arriver. Parce que souvent, jamais... Non, on sait jamais, sauf qu'ils font souvent des remakes, des gros classiques. En tout cas, dernièrement, là, ils touchent à tout ce qui est gros. Puis les petits films de même, parce que celui-là, je pense pas que ça soit. Considéré comme une comédie culte, là. Comme je te dis, moi j'ai l'impression qu'ils sont mis dans l'oubli, puis j'ai de la misère à trouver un DVD. Toi, t'as vraiment été chanceux pour ma part de l'avoir trouvé. Ben, je l'avais loué, c'était à l'époque qu'il y avait un service qui s'appelait zip.ca qui envoyait des DVD par courrier. Ça n'existe plus depuis l'année passée, mais parce qu'ils sont fait supplanter par Netflix, là, mais... Ouais. Mais c'est ça, non, j'ai trouvé là-dessus. Je sais pas d'où ça... je me souviens plus de la compagnie, puis tu sais, je l'avais juste loué, là, je l'avais pas. Je l'ai jamais, jamais acheté, je l'ai jamais trouvé en magasin. Là. J'aimerais ça une nouvelle édition en Blu-ray, là. Ça ouais. ferait bien mon affaire avec la traduction française et anglaise. Mais je suis trop habitué avec la voix en français de John Ryder, tu sais, c'est comme. Ouais, c'est ça. Le petit monstre 1 et 2. Là. C'est la même voix, je pense. Ouais, c'est la même voix, puis. Autant je les connais que c'était tout, autant je l'ai encore plus connaître Le Petit Monstre 1 et 2, puis c'était des films que j'ai écoutés autant en boucle quand j'étais jeune. Je suis intrigué de les revoir. Parce moi, que surtout aussi, le 2, je le connaissais par cœur. Là. Ouais. Le 1, je l'ai moins vu souvent, mais le 2 avec la scène à la foire avec les fameuses le vomi puis tout. Mais oui. Ah, ben je pense que c'est la scène qui a marqué tout le monde. Les coquerelles dans salade, puis toutes sortes d'affaires, puis tellement des scènes de fun. Puis le chien qui a la diarrhée, puis. Ben c'est plus gros, tu sais, on dit à une suite faut que ça soit plus drôle, plus gros, puis ça l'était là, quand c'est sorti là. Juste la scène du vomi clenchait tout le premier au complet là, ah, oui. Ah, je viens de voir dans les trivia sur IMDb, il y a tous les titres des parodies dans Stay Tuned. Ouais, c'est ça, je vois aussi. Ah, j'avais pas vu Beverly Hills 90666. Mais je me rappelais pas qu'il avait fait une parodie de ça. Oui, on les voit à un moment donné. Ah, mais c'est peut-être juste dans le générique à la fin. Parce que dans Générique à la fin, il y en a plusieurs qu'on n'a pas vu dans le film. Ah, je les ai jamais vus de ma vie. T'as jamais vu? Ben, check le générique, il y en a plein. Ah, il va falloir que je regarde ça. I Love Lucifer. Fresh Prince of Darkness. Murder She Likes. Three Company Spoof. The Exorcist. Ah oui, ils font des. C'est un tape d'exorciste, mais pour basé sur l'exorciste. Ah, puis ça, oui, l'annonce pour le silence des agneaux, mais ah, oui. Là, c'est de... Le silencieux des agneaux. Parce que les enfants arrêtent pas de chanter dans la voiture, puis les parents sont en train de devenir fous, fait que c'est comme une muselière du silence des agneaux qu'ils mettent sur leur bouche pour qu'ils se ferment la gueule. C'est juste drôle. Il y en a même un pour le chien. L'annonce de... à l'époque, c'était une annonce de cassette. Je pense que c'est les cassettes Maxell, justement, Maxwell. Ah oui, oui, celle-là. C'est Maxell, en fait. La parodie, c'est Max Hell. Puis le gars, il se couche dans son divan, il se sent dans son divan, puis son serviteur vient mettre une cassette audio dans son système de son. Puis, puis le son est tellement fort que ça y décroche la tête, dans le fond. Puis le pire, c'est que je me rappelle de l'annonce originale de celui-là. Ouais. C'est pour ça que je la trouve encore plus drôle. C'est sûr que quand tu connais... d'avance l'original de qu'est-ce qu'il parodie, c'est encore plus drôle, mais je pense que même si les gens connaissent pas ça, ils vont trouver ça drôle, pareil, ils sont drôles là. Oui. Non, honnêtement, j'aime beaucoup Stay Tuned, puis tu sais, là on est dans la section nanar navet, puis c'est définitivement pas un navet, ça c'est sûr, non. Mais en même temps, je trouve pas que c'est forcément un nanar, tu sais, c'est pas du so bad is good pantoute, là, je trouve que c'est une bonne comédie, c'est un concept original, puis je trouve qu'il est encore autant réussi aujourd'hui, même s'il y a certains trucs, surtout juste le gros set de cinéma maison qui se fait vendre, qui a pris un coup de vieux, puis qui paraît démodé. Mais ouais, les effets spéciaux, là, quand ils rentrent dans l'antenne, puis. Mais ça dure pas longtemps, là, l'effet spécial. Mais ils sont pas si pires que ça, quand même, c'est pour. Ben, tu sais, quand ils rentrent dans l'antenne, puis tu vois tous les fils, puis on rentre comme dans la bouche de Spike. Ouais. Pis, ça, c'est con un peu. La pause de la voiture de Spike qui rentre dans la route puis qui se fait comme se ramasser en enfer, ça j'ai bien aimé ça. La route elle fait comme s'ouvrir puis elle se referme, puis ça j'ai quand même apprécié. Puis tout le zapping d'une chaîne à l'autre, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Là, c'est pas des gros effets spéciaux comme ça. Non, dis. C'est ça. C'est... Non, ça marche bien, je trouve. Ça a quand même assez bien vieilli. Puis la comédie, tu sais, le côté comique du film, ça vieillit pas. Là, c'est non, il est fun, intact. Puis je pense pas nécessairement, comme je disais tantôt, tu sais, il y a des références que des enfants, des jeunes de moins de 20 ans comprendront peut-être pas. Mais ça t'empêche pas non plus d'apprécier le film pour ce que c'est, pour l'histoire familiale, parce qu'on n'a pas parlé non plus des deux enfants, mais bon, c'est pas si important. Ben, c'est important le film, mais leur jeu d'acteur est pas si impressionnant que ça, là. Tout ça pour dire que pour le côté familial du film, ça peut être très, très... ça peut être encore apprécié, tu sais. Ouais, facilement. Puis pour la leçon de vie, tu sais, si on veut, là, tu sais, lâche ta TV puis occupe-toi de ta famille, tu sais. Mais c'est ça, là, juste pour c'est un film, c'est une belle aventure, c'est le fun, il y a de l'action, il y a toutes sortes d'affaires, puis on s'ennuie pas, c'est comme on dit, c'est plein de petits segments, fait que tu sais, ça reste jamais dans le même genre, fait que c'est ça qui... C'est jamais redondant ou tu tannes pas, il y a tout le temps de quoi pour te ramener, là, T'es juste crocheté au bout de ton siège. Moi, je l'ai écouté là, puis j'avais autant de fun que quand je l'écoutais jeune en boucle dans ma VHS. Ouais, moi aussi. Puis comme je te dis, je le regarde à tout. Tu sais, mettons 3, 4, 5 ans, puis je vais le revoir encore dans 3 ou 4, 5 ans. Puis je pense que ça va être pas mal ça toute ma vie. Là. J'ai tout le temps un petit besoin de le revoir, ce film-là, de temps en temps. Je pense qu'on le recommande pas mal. Oui, il y a un petit détail, je voulais revenir sur un petit détail niaiseux, puis il a fallu que je mette sur pause pour bien voir, mais à un moment donné, quand le jeune perd sa bicyclette dans l'antenne, il s'accroche à la galerie, là, un genre de colonne de la maison, puis ouais. Il est comme soulevé dans les airs. Si tu pèses sur pause, puis tu regardes comme du monde, c'est même pas dur à voir, en fait. On voit deux mains qui le tiennent dans les airs. Ou le ventre, ou sa poitrine, dans le fond. On voit deux mains qui le soulèvent. J'ai pas remarqué. C'est une erreur, là, évidemment, là, mais c'est ça. Il est supposé être juste soulevé par la force de l'antenne, mais on voit deux mains très, très bien. Là, ça dure une fraction de seconde. Faut que tu mettes sur pause puis tu regardes frame par frame. Là. Commence pas à gâcher mon visionnement, là, GF. Là. C'est pas vrai, le film. C'est truqué. Spike n'existe pas pour vrai. C'est pas le diable, on s'est fait avoir. Ouais, mais une TV avec 666 chaînes. My God, je pense que mais c'est trop. V'là 20 ans, ça m'intéressait. Puis on a eu ça un peu dans les années 2000 avec la multiplication de chaînes. Puis tu vois, récemment, cette année, je me suis désabonné du câble parce que j'étais tanné d'avoir genre accès à... Ben, tu sais, sur Cogeco, j'avais accès genre à 400 ou même plus que ça, même 500 ou 600 chaînes. Puis avec mon forfait, j'en avais peut-être 60 là-dedans qui étaient débrouillés. Puis j'en écoutais pas à moitié. Là, genre... Ben, surtout qu'à un moment donné, c'était comme... Je suis plus écœuré de passer mon temps à pitonner qu'à écouter réellement quelque chose. Tu pitonnes plus que le temps que tu vas regarder de quoi. Puis maintenant, avec les télés intelligentes, Netflix... Tu peux juste directement écouter ce que tu veux, ton émission, ton film, peu importe. Je veux dire, t'as plus besoin de pitonner. Moi, je pitonne jamais. Puis si ça serait juste de moi, j'aurais même plus illico. C'est plus pour mon petit gars qui écoute ses émissions, ses petits bonhommes, puis ma blonde qui écoute ses émissions parfois. Mais sinon, globalement, moi, j'écoute jamais le câble. Puis je pensais m'ennuyer là, quand je me suis désabonné, mais non. Tu sais, je me suis acheté un appareil Roku. Ben, ça fait un peu comme ta télé intelligente. Ça me donne accès à Netflix, YouTube, tout ça. Un million d'applications, là, tu sais... Puis je regarde ce que je veux quand je veux, puis c'est pas compliqué. Là. J'ai accès à tout.tv, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que, plus besoin de pitonner. Et non! Fait que non, pour ça, ça a vieilli un peu le film, mais tu sais, c'est ça. C'est là, les temps qui changent, puis ils pouvaient pas prévoir ça nécessairement. Fait que, c'est juste le début. Je veux dire, un coup, tu l'as vu, tu t'en fous. Là, mais c'est pour ça que j'aimerais savoir un remake qui apporterait un genre de commentaire, mais sans être nécessairement un film. Pas trop de morale. Ouais, là-dedans, non, ça reste léger. Ça a sa petite morale cute. Puis c'est bien correct. Ça marche. Là, mais tu as un petit regard humoristique ou sarcastique ou quelque chose sur ou critique sur notre système maintenant de télévision. Comment est-ce qu'on regarde la TV en 2015, 2016, tout ça, plus tard, là, dans les prochaines années. Puis tout. Là. Il y aurait peut-être de quoi faire. Mais c'est ça. Mais c'est ça, tu disais que c'est pas les petits films comme ça, mais ça devrait être. Pas parce que je voudrais que ce film-là soit nécessairement refait, mais plutôt que de refaire un gros film comme de refaire des Poltergeist, genre. Poltergeist, des grosses affaires. Tu fais des petits films que personne ne se rappelle, qui n'ont pas eu de succès, puis c'est sûr que c'est une gageure à prendre, mais en même temps, si tu l'améliores. Mais tu sais, c'est une gageure à prendre. C'est drôle parce qu'eux, ils misent que la génération d'aujourd'hui connaît peu les classiques. Fait que là, ils vont sortir, mettons, A Nightmare on Elm Street ou Poltergeist en se disant que les jeunes qui vont aller voir ça n'auront pas vu l'original ou même qu'ils connaisseraient même pas ça. Fait que je veux dire, à la limite, ils peuvent faire des remakes de Stay Tuned parce que ça revient au même que la génération d'aujourd'hui n'auront pas vu Stay Tuned. Fait que ben oui. Ça va paraître original. Puis... Tandis que là, non seulement ils font tout le temps les remakes des gros classiques, mais ils font tout le temps dans le... plupart du même format, le même style, ça se ressemble tout. Dès qu'il y a une mode qui part, ça fait tout le temps la même affaire. Tu sais, tu regardes juste le trailer de Poltergeist, à un moment donné, la petite fille, elle se fait tirer rapidement vers les airs, puis tu penses automatiquement à Paranormal Activity, puis tout ça l'a apporté. Puis la plupart des remakes fantomatiques qu'il y a eu dernièrement, ben, ça s'inspire tout de ça, puis ça finit par tout se ressembler, alors qu'à l'époque, tous les gros classiques, c'était des films différents qui avaient leur propre identité, tandis que là, on dirait tous les remakes se ressemblent. Pis, sans vouloir généraliser, il y en a des bons remakes, je n'enlève pas, mais on pourrait quasiment tous les foutre dans le même sac parce qu'ils ont, de la misère à avoir justement une identité propre, puis ils se forcent pas beaucoup. Non, je suis d'accord, je suis très d'accord là-dessus. S'il y a une homogénéisée, ouais. En tout cas, peu importe. Le mot trop compliqué pour moi à soir. Mais c'est ça, il pourrait prendre des petits films, genre des films que le monde a oubliés, comme The Last Starfighter ou bien celui-là, le Stay Tuned. Ah, c'est vrai, ça va. The Last Starfighter, ça, c'est un que vraiment je m'en rappelle plus, il faudrait que je le revoie. Mais ça, c'est ça, ça serait plus intéressant. Refaire Explorers, je sais pas. ou bien The Apple. Non, je pense pas que ça va arriver. Non. Non, je pense. Gars, contente-toi de ton original. Là. Je pense que ça va déjà être en masse. Là. Ouais, je le chéris, mon original. Ouais, je vois ça. Là, tu le mentionnes souvent. Le fait bye bye Swan Country. Maintenant, c'est The Apple qui va tout en revenir. Ouais, c'est ça. Bon, ben, sur ces commentaires, sur Stay Tuned. Est-ce qu'on mentionne les prochains films qu'on va faire dans le prochain épisode régulier? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Je te laisse les mentionner. Aller. Ah, tu me laisses. Non, vas-y. Je connais pas les années puis tout. Ben c'est pas grave, moi non plus, je connais pas par cœur. Fait que le classique, en fait, c'est un épisode que toi t'as choisi. C'est un hommage, un épisode d'hommage à Chow Yun-fat, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis le premier film, le classique, ça va être The Killers, avec un S, The Killers? Ou bien The Killer? C'est ça, okay. De John Woo. De John Woo. Et le navet nanar, on va décider en le voyant, c'est Dragon Balls Evolution. De 2009, dans ce coin-là. Ouais, je suis sûr qu'il y en a déjà qui grincent des dents juste avec ça. En fait, j'ai jamais osé voir ce film-là de ma vie. Puis je me suis dit, hey... Bras de fer, là, ce serait une bonne idée. J'ai vu ni l'un ni l'autre, fait que ça va être drôle. Ça va être intéressant. Alors, peut-être que je vais le regretter par la suite. Là. En tout cas, pour Dragon Ball, ça c'est... Mais je suis curieux, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va donner un épisode intéressant. Mais le peu que j'ai vu de John Woo, t'sais, j'ai surtout vu... Je me rappelle surtout de Face Off, mais c'est un film américain de... Chungking Express, c'était-tu lui? C'était-tu John Woo? Non, c'était pas non, John non, Woo. C'était pas lui, c'était un autre. OK, non, je pense que j'ai juste vu Face Off, dans le fond. Et pourtant, Face Off, c'est facilement le meilleur film américain qu'il a fait, mais encore là, je veux dire, ça vaut pas tout ce qu'il a fait en Asie, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'il a une aussi grosse réputation. Là, pour vraiment... Je sais que The Killer, c'est pas mal son plus gros, là, je pense, hein, c'est plus apprécié. Ah, il y en a plusieurs, mais ouais, The Killer, c'est un des gros du lot. Moi, c'est ce film-là qui m'a fait découvrir John Woo réellement, puis... Chow Yun-fat, là, puis c'est à partir de là, moi, je suis tombé en amour de Chow Yun-fat, fait que... OK. J'ai bien hâte de voir ce que tu vas en penser, puis... T'es chanceux, moi, je me rappelle après, la première fois que j'ai découvert The Killers, là, la première fois de ma vie que je l'ai vu, puis je vais pas en parler là, on va garder ça pour l'épisode, là, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner de ton côté. Puis on dirait que des fois, je me sens mal de choisir un film asiatique quand on faisait un épisode, parce qu'on dirait que c'est prévisible que moi, je vais utiliser un film asiatique. Et c'est pour ça que j'ai pris Day of Thunder et d'autres films, parce que je suis capable de prendre d'autres films. Mais en même temps, t'en as tellement pas vu beaucoup que j'ai envie de te faire découvrir une couple de classiques que je me dis que tu pourrais apprécier puis que t'as une meilleure estime des fois, parce que je sais que ben les films t'accrochent pas. Non, tu fais bien, parce que des fois, ça me prend juste ce petit coup de pied là au cul pour les regarder que je me donnerais peut-être pas nécessairement quand je suis tout seul, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est pas une question, je veux juste le dire de même, mais je l'ai déjà dit souvent que j'ai jamais vraiment été attiré par le cinéma asiatique, puis c'est pas une question de racisme ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste une question d'intérêt, là, je pense. C'est comme, je regarde pas de films western, puis c'est pas parce que j'aime pas... les films américains ou que, je veux dire, tu sais, c'est un genre là, tu sais, je sais très bien qu'il y a plusieurs genres dans le cinéma asiatique. Je pense aussi des fois je comprends pas nécessairement certains codes de ce cinéma là ou certaines je sais pas comment dire là, certaines ben ils ont un style très très particulier puis qui appartient vraiment à eux, fait. Mais j'ai vu quand même pas mal de films d'horreur asiatique, puis j'en ai beaucoup apprécié, que ce soit les Ju-on, The Ring, Ringu en fait, ou ben la version coréenne de originale de Pulse. C'est des trucs comme ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, là. Ben, c'est ça. À un moment donné, tu vas en tomber sur des bons. C'est ça que je me dis. Tu as quand même apprécié Zatoichi, oui, qui était japonais. Fait que... Oh oui, puis il y en a quand même plusieurs, là. Oh oui, que j'aime, là. Puis que j'avais vu ben avant que tu m'aies... Ben avant que je te connaisse aussi, là. T'sais, j'en ai vu dans ma vie aussi, là. Mais tu sais, en même temps, j'essaie d'y aller dans ceux que je sais, que je me dis que tu pourrais apprécier. Puis ça se peut que je me trompe, mais en même temps, il y en a que je sais que je vais jamais te conseiller. Jamais. Mais jamais je vais te conseiller le cinéma thaïlandais. Parce que... Cinéma thaïlandais, c'est du mauvais cinéma, mais c'est des... Il y a des très bons films d'action avec des cascades vraiment impressionnantes, mais globalement, ce sont des très mauvais films. Le cinéma thaïlandais, c'est pas bon en termes de cinéma, mais c'est pour ça que je vais jamais te faire subir ça, là. Puis moi, je suis un gros, gros fan de films indiens, Bollywood, puis je t'en ai pas encore imposé contre toi, Chanceau, ouais, aussi, parce ben, que ça dure toutes 3 heures, ces films-là. Ah oui, c'est fou, hein, il y en a pas un qui est en bas de 2 ou 3 heures. Ça a pas de sens, puis faut tout le temps qu'il y ait des chansons, tout le temps. Toujours. Mais ça me dérangerait pas. Hein. Un jour, peut-être. Si tu veux me faire découvrir un de tes classiques Bollywood, là. Ouais, ok, peut-être. Parce qu'on a parlé de Kui Show, je veux juste mentionner que ce que j'avais en tête, c'est que ben, c'est loin dans le futur. Là, dans l'autre épisode normal, l'épisode régulier qui n'est pas un time-out, genre dans 4 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus trop, il faudrait que je calcule. J'aimerais ça peut-être faire Marty, justement, qui parlait dans Kui Show. Qui est un... Oui, parce qu'il mentionne tellement dans le film que ça m'a intrigué. C'est comme, je veux le voir, ce film-là. Fait... Tout le monde trippe sur Marty, puis c'est vraiment le film de l'époque. Fait que, crime, je veux voir ça. Fait que je pense que ça va être pas mal ça, là. C'est rien de coulant le ciment, on peut toujours changer d'idée, mais on verra, là. Puis, mais j'aimerais ça, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, puis je l'ai en DVD, puis tout, puis je veux dire, c'est... Mais ça fait un bout de temps, là. Ça fait quelques années que je l'ai pas vu, puis j'aimerais ça le revoir, fait que je pense que ça serait une bonne occasion. On verra. Ouais. Et pour l'instant, on s'occupe de Chow Yun-Fat. Puis avant ça, cette semaine, vendredi, Time Out, ça devrait être vendredi dans l'après-midi, genre vers 1h. Mais on va, confirmer les détails plus tard cette semaine, mais ça devrait être ça, là. Ouais. Puis, ben c'est ça. Sinon, as-tu quelque chose d'autre à rajouter? Non, c'est tout. Ben moi aussi, je pense que c'est tout. Fait que, ben, je vous remercie. On vous remercie d'avoir écouté, de nous suivre, de commenter sur Facebook, de nous suivre aussi si ça vous tente sur Twitter, même si je ne suis pas toujours très, très assidu sur Twitter. Instagram. De temps en temps, je poste des photos de films qui n'ont rien à voir avec le podcast, mais juste des films dans ma collection qui sont soit des classiques ou des navets ou des nanars. Comme aujourd'hui, j'ai mis une photo du film Field of Dreams parce que c'était la fête des pères, puis que je trouve que c'est un film génial pour la fête des pères. Puis je l'ai même pas écouté en fait aujourd'hui, j'ai préféré regarder Indiana Jones 3, qui est un excellent film de fête des pères, mais qui est une comédie, tandis que Field of Dreams, c'est clair que je vais broyer à la fin si je l'écoute. Ouais. Puis c'est ça, ben, j'ai mis aussi aujourd'hui une photo de Jazz, parce que hier, je voulais la mettre hier, puis j'ai oublié, parce que hier, c'était 40e samedi le 20 juin, donc le 40e de Jazz. La sortie déjà. Et oui, déjà. Pas pris une ride. Non. Fait que non, c'est ça, c'est instagram.com/bras de faire des films, puis c'est tout le temps ça, c'est facebook.com/bras de faire des films, etc. Twitter, iTunes, mettez des étoiles, cliquez, votez, faites ce que vous voulez. Et commentez surtout, c'est ce qu'on aimerait quand on parle de films, on aimerait avoir votre opinion, on aimerait ça que vous preniez juste prendre un petit 30 secondes, écrire un petit mot, dire « Ah, moi j'aime beaucoup ce film-là, j'aime pas ça. » Puis gênez-vous pas, si vous n'aimez pas ça, là, dites-les. On bâchera pas, on vous jugera pas. On est là pour jaser, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Ces films-là, les films qu'on propose, les films dont on parle dans le podcast, est-ce que ça vous intéresse? Moi, j'ai commencé ce petit podcast-là l'année passée, en mars 2014, en me demandant si justement ça allait intéresser quelqu'un. Steven a embarqué avec moi dans le deuxième épisode, puis il a embarqué à fond. Puis je sais qu'on a des auditeurs et tout ça, j'aimerais ça juste savoir. Est-ce que ça, à quel point ça vous intéresse? Est-ce que nos choix de films vous intéressent, tout ça? Est-ce que ça vous incite à aller les voir, les films, à essayer de les chercher, puis tout? Puis c'est ça, tu sais, C'est pas grave si vous aimez pas ça. Tu sais, si Jeff, dans le prochain épisode, me dit de Killer, c'est de la merde, ben je vais juste fermer mon micro puis crisser mon câble. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, je veux dire, on a tout droit à nos opinions, puis c'est parfait de même. Non, c'est ça. Je ne voudrais pas que le monde pense qu'on les juge ou que si, qu'ils aient peur de dire qu'ils n'aiment pas telle affaire. Ou, on est bien ouverts. Je veux juste savoir qu'est-ce qu'ils pensent. On est du monde bien normal, qu'on a juste starté un podcast, puis tout à coup, on se ramasse avec un public, puis on veut savoir qu'est-ce que le public pense. T'sais. Fait que c'est juste ça, dans le fond. Fait que là-dessus, on va se laisser sur la chanson de Salt and Pepper qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Start Me Up. J'ai plus d'informations devant moi. Mais la toune qui joue dans UHF, dans Stay Tuned. Je pense qu'on va être dû faire UHF un moment donné. Ouais, ouais. Puis ben là-dessus, à la prochaine. À la prochaine. Yippie-kai, pauvre con. Calm down. Calm down. Calm down. And now you're ready to throw in the towel. That's not a foul. You don't give a hoot like a mute owl. That's not the way I know you to be. You used to be true to me. Ooh wee, what you used to do to me shows that you got a lot to offer. So brother, just get off of your butt, because it's gonna cost you. It rips me apart seeing you like this. Me and you might just be able to fight this. So baby, but it's been so long. You wanna run away, then I wonder when it will end. Can I ever be myself again? Yo, I got hopes and I got trust, and I got you here to stop me. I'm fed up, fed up, a word up, dead up. Gotta keep my head up, don't stop or let up. You're sleeping late up, time to get your bed made up. Before we're gonna lose it till you do get paid up. Paid up, wait up, I'm not giving a bluffing. Watch television all day doing nothing. Put it in your liver, looks like you're ready to deliver. Big mama, stopping at the period I'm pulled upon a comma. So boom, boom, brit, stay the drama for your father. Cause me rough, rough and tough and rugged and stuff. Me my roll up a blunt and take a lick of lick shot and all I own a will drop. What? See my crutches never fail me. Start me up, you got to start me up. Start me up, you got to start me up. Sure. Bye.